Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Mathieu Janvier viendra nous jouer des tours dans sa chronique Jeux à gogo. Et on jouera à faire fructifier notre argent, mais pas au casino, non, non, avec Philippe Fournier. Hey, plus que 13 émissions. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 5 avril 2018. On est à 22 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Mmh. Quand tu regardes par la fenêtre de notre belle baie vitrée, tu remarques qu'il a l'air de faire vraiment beau. Oui, en effet. Il fait quand même très froid. Oui. Faut pas se méprendre. Et c'est très glissant aujourd'hui. Oui, quand même. Mais c'est très, tu l'as dit, là, mais c'est très frette. Oui, moins 8. Ah oui, moi, ça inscrivait moins 11. Ah, ça se peut. Écoute, je ne m'attendais pas à ça ce matin. Non, pas vraiment. Ça prend par surprise. Et c'est pas nécessairement une belle surprise. Non. Mais quand même, pour ceux qui s'en viennent à l'UQTR, sachez qu'ils viennent juste de passer le sable pendant que je m'en venais devant le pavillon du CAPS. Oui, c'est au moins c'est bien déneigé. Oui. Très bien déneigé, oui. Puis là, les trottoirs sont parfaits. On s'entend, on va espérer qu'il n'en tombe plus. Tu sais, hein? Le message est passé. S'il vous plaît, Mère Nature. La glace a repris, là, c'est sérieux. Oui. Bref, hein, on n'est pas là pour parler de météo, on est là pour parler de l'émission d'aujourd'hui. Tania, on a pas mal un beau programme chargé aujourd'hui. Oui, quand même. À 7h30, on a un nouveau chroniqueur qui s'en vient avec nous, Philippe Fournier. Vous allez me dire, il reste... quoi, 3 semaines à l'émission? Ouais. Oui. Donc, 3 chroniques spéciales sur la finance. Donc, on va apprendre à mieux gérer notre argent. Je pense qu'on en a tous besoin. Mm-hmm. Ensuite, à 8h, Mathieu Janvier va être là pour sa 3e chronique sur les jeux de société, les jeux de table, jeux à gogo. Donc, ça, c'était à 8h. Plus tard dans l'émission, il y a ta chronique qui s'en vient deux fois plutôt qu'une. Ouais. Tania's Gun Entertainer. De quoi tu nous parles plus tard dans l'émission? Plus tard dans l'émission, je vais vous parler de chocolat. Mmh. Parce que, bon, on est jeudi, hein, une grosse pointe à l'adresse. On, ouais, on le dit souvent. C'est souvent la journée où je vais parler de nourriture. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas vous parler du langage du chocolat et l'accord du chocolat. Oh, vous ça, allez c'est voir. Vraiment intéressant. Mmh. Et tu l'as dit, une grosse pointe d'adresse en vient à la fin de l'émission, vers les 9h30. On va commencer, en fait, c'est très rare qu'on le fait. Je me demande si c'est déjà arrivé, peut-être une fois. Peut-être, ouais. Qu'on commence par toi. Ton autre sujet, c'est quoi dans quelques minutes? Eh bien, photographie et mémoire. Hey. Oh. Ah ben, tiens, Caroline, mémoire photographique, pour ça, il faut garder les yeux bien ouverts. En effet. Mais moi, je te propose de garder les yeux fermés. OK. Avec Dilarama tout de suite à son âge. Retourne se coucher! Ah, c'est seulement 13 émissions. 13. Courir, à quoi bon courir? Reste jusqu'à demain matin. Si ensuite tu t'éclipses, je ne dirai rien. Je n'ai pas, non, je n'ai pas perdu espoir. Redis-moi de ces choses qu'on ne dit que dans le noir. Courir, tu finis toujours chez moi. Le ciel peut s'effondrer, ça ne veut plus rien dire pour moi. Tu sais, oh oui, tu sais, je ne t'en veux pas. Je garde ton secret, silence sous mes draps. Une fois la nuit tombée, les yeux fermés. Une fois la nuit tombée, on se voit mieux les yeux fermés. Une fois la nuit tombée. Ah, ah, ah. Comme deux adolescents redécouvrant leur innocence. Télérama avec les yeux fermés. Assemblage requis, on aimerait tous pouvoir les garder fermés, mais il faut se lever éventuellement. Ouais, pas le choix. La journée commence, c'est comme ça. Mais c'est le fun parce qu'elle commence bien. Oui. Avec ta nièce, Gala Entertain. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna do it. Ouais. Tôt le matin, comme ça, la voix est pas encore là. Ouais, hein? Et on parle de photographie et de mémoire aujourd'hui. Oui, en effet, parce que ça fait quand même assez longtemps, en fait, que certains psychologues savent que notre mémoire, c'est quelque chose qu'on doit retravailler tout le temps. Ouais, c'est faculté qui oublie, comme on exactement, dit. Faculté qui oublie, et c'est aussi un muscle. Donc, on dit tout le temps qu'on doit un petit peu l'exercer. Et chaque fois qu'on visualise un souvenir ou qu'on le raconte, eh bien, on court le risque de le modifier dans notre tête. Ouais. Et on se pose la question, en fait, est-ce que ça serait possible que le phénomène soit aujourd'hui amplifié par notre tendance à prendre beaucoup plus de photos avec nos téléphones? C'est vrai, hein? Est-ce que ça fait exactement la même chose? Mm-hmm. Est-ce qu'on vit nos souvenirs de la même façon? C'est une question, en fait, sur laquelle se penchent en ce moment plusieurs équipes de recherche et on est encore loin d'avoir une réponse très, très nette. Il y a déjà des études qui ont été faites qui disent, en fait, que la mémoire efface peut-être trop les souvenirs. Est-ce que c'est vraiment le cas? Eh bien, là, on y travaille vraiment de façon très, très stratégique. On y va de façon recherchée et selon le journaliste Brian Resnick, eh bien, l'usage intensif du téléphone cellulaire, ça pourrait avoir autant pour effet d'altérer les souvenirs d'un événement que de les renforcer. Ah, okay. Donc, ça veut dire que dans ta tête, ça pourrait se modifier. Parce selon que la photo. T'es moins dans le moment présent si tu prends ta photo. Ou encore, peut-être que la photo va te permettre de ne pas avoir à y penser parce que tu te dis c'est en photo pareil. Exactement. Il faut se rappeler, en fait, ce qui détermine avant tout l'implantation d'un souvenir qui va rester dans notre tête, c'est un petit peu l'attention qu'on va lui porter. Donc, si on ne porte pas nécessairement d'attention au moment présent, comme tu viens de le dire, eh bien, par conséquence, le fait d'avoir abondamment photographié un événement pourrait justement contribuer à mieux l'imprimer dans notre cerveau, mais à moins bien s'en rappeler. OK. Donc, à l'inverse, il y a une recherche récente qui a paru dans le journal qui s'appelle Experimental Social Psychology et qui est consacrée aux visiteurs d'une église sur le campus de l'Université Stanford. Les spectateurs d'une conférence TED ont conclu que ceux qui avaient photographié gardaient des souvenirs qui étaient beaucoup moins précis de ce moment-là. Et là, pendant que les chercheurs avaient testé avec d'autres personnes une semaine plus tard, sans téléphone, sans photographie, eh bien, on se souvenait mieux de ce qui s'était passé. Hein? Le problème avec la conclusion de l'utilisation des photographies sur nos téléphones intelligents, c'est que ce ne sont pas que des téléphones et que les cobayes ont été autorisés à les utiliser pendant l'activité. En fait, ils ont été distraits par d'autres activités. Ouais, c'est ça qu'il faut prendre en conséquence. Comme c'est lors d'un spectacle. Exactement. Si tu regardes le spectacle par l'écran de ton téléphone, tu le savoures peut-être. Justement, si on prend une photo avec notre téléphone, bien on s'auto-distrait, en fait, en utilisant notre téléphone cellulaire. Et là, à ce moment-là, bien peut-être qu'on va voir, avant même de prendre la photo, qu'on s'est fait texter, qu'on va vouloir envoyer notre photo sur Facebook. Donc, ça peut contribuer, en fait, à imprimer moins bien les souvenirs dans notre cerveau. Eh bien, comme je le disais, il y a une autre étude qui parlait que, justement, ça efface peut-être trop bien les souvenirs. C'est une chercheuse américaine, en fait, en psychologie, qui a décidé que de prendre des photos serait quand même assez nocif pour la mémoire. C'est pas la meilleure idée qui soit pour se construire des souvenirs. Et, vous savez peut-être, là, je pense que pas mal tout le monde a un appareil photo, soit dernier cri ou le dernier téléphone intelligent avec caméra quand même assez bien intégré. Et vous espérez prendre des photos quand même assez inoubliable, soit dans des moments de famille ou dans des moments avec amis. Bien, justement, selon cette fameuse chercheuse-là en psychologie de l'Université de Fayfield aux États-Unis, qui vient de publier une étude sur le sujet, eh bien, prendre des photos, ça serait pas le meilleur moyen de garder ses souvenirs pour des bons moments. Parce qu'à ce moment-là, on va toujours se rappeler du moment où on a sorti notre téléphone cellulaire et qu'on a voulu prendre une photo. Si vous vous rappelez bien, même chose si vous vous faites prendre en photo, probablement que ça va avoir altéré un petit peu avec votre souvenir de la soirée. Vous allez vous souvenir fortement du moment où quelqu'un a dit « Ah, on prend une photo! » Ben oui. Et vous n'allez pas nécessairement vous rappeler du moment présent à ce moment-là. Donc, selon les chercheurs, ça serait beaucoup plus difficile au travers des semaines, au travers des mois et au travers des années que décider de se rappeler de certains moments, surtout si on a choisi de photographier le moment présent et de prendre le temps de sortir son téléphone, comme je le disais, au lieu d'observer le moment. Ouais. Il y a certains auteurs de certaines études qui ont travaillé sur le sujet et ils ont constaté, en fait, l'attitude frénétique des touristes qui prennent la pause devant des monuments. Ils prennent des photos presque machinalement, donc pour capturer un instant, mais ça perd ce qui passe réellement en face d'eux et ce qui se passe autour d'eux. Pour mettre en évidence le lien, par exemple, entre les souvenirs et les photographies, eh bien, notre fameuse chercheuse américaine, psychologue, a organisé une visite au Musée des Beaux-Arts de son université pour 28 étudiants qui étaient équipés d'appareils photo. Ils avaient l'ordre, en fait, de photographier 15 œuvres au hasard et d'en observer 15 autres. Le lendemain, ils ont participé à des tests de mémoire et ils ont été interrogés sur les détails spécifiques de chacune des œuvres qui avaient été choisies. Les résultats de ces tests, en fait, ont montré qu'il y avait une difficulté quand même assez accrue, quand même assez présente au niveau de la mémorisation lorsqu'un objet avait été photographié au lieu d'être observé. On avait de la difficulté à dire comment l'objet était, comment l'objet se présentait au lieu du moment où on avait pris le temps d'en regarder un autre. Donc, ça s'appelle le phénomène de dépréciation. La mémoire, ça joue plus son rôle parce qu'on le perd face à l'appareil photo. Que ce soit, par exemple, justement, l'appareil photo ou encore votre téléphone intelligent. C'est comme une béquille pour essayer de souvenir des objets ou des événements à notre place. Par contre, la photo va absolument rien te raconter si t'as pas regardé autour de toi. C'est ça. Mais ça dépend. C'est sûr que l'étude a dit, OK, vous avez à prendre en photo 15 œuvres et en regarder 15 autres. Donc, les gens qui ont pris les photos ont pas vraiment regardé l'œuvre avant et sont sûrement pas retournés voir les photos qu'ils ont prises. Non, c'est pas nécessairement la vraie vie. Comme dans la vraie vie, tu pourrais voir une œuvre d'art pendant une demi-heure puis dire, OK, il faut que je garde une photo de ça. Tu prends ça en photo et tu vas peut-être retourner voir ta photo. T'sais, c'est peut-être pas représentatif de la vraie vie. Je me demande si c'est... Peut-être pas. Ça dépend des personnes, c'est en fait. Là, on parle vraiment de façon d'y aller machinalement, surtout dans le style touriste. Tu passes devant, clic-clic, tu t'en vas. Exactement. Ouais. Tu te dis, oh mon Dieu, c'est beau, OK, il faut que je prenne une photo directement. Mais à ce moment-là, tu vas pas nécessairement te rappeler de ce qui se passait autour de toi ou avec qui t'étais. Mm-hmm. C'est souvent ça, c'est sûr et certain que si tu fais un voyage avec des amis, bon, tu vas te souvenir que tu étais avec tes amis. Par contre, si tu prends, par exemple, une photo de ton déjeuner ou peu importe, tu vas peut-être pas nécessairement te rappeler avec qui tu as déjeuné cette journée-là parce que tu as porté beaucoup moins attention à la personne qui était devant toi qu'est-ce qu'il y avait dans ton assiette. Tout à fait. Donc, les chercheurs en psychologie vont poursuivre ces études-là pour justement tenter de découvrir si ce phénomène-là s'applique également aux photos sur lesquelles on apparaît. Ah, OK. Donc, oui, parce que, bon, c'est bien de prendre une photo. On réalise que du moment que nous, on prend la photo, ça altère avec notre mémoire. Mais est-ce que si on se retrouve sur la photo... Parce que tu prends pas la photo. Ben oui, exactement. Ouais. Est-ce que ça fait la même chose? Est-ce qu'on prend un petit peu plus de temps pour regarder autour de nous? Tout à l'heure, je disais le flash, le moment où la personne va sortir son appareil photo. Pour le moment, ça semble dire que c'est un petit peu la même chose. Ah. Mais il y a encore des études à faire parce qu'on n'est pas nécessairement totalement au courant. Alors, c'est très intéressant de voir ça. Et je sais pas pour toi, mais moi, je suis depuis quelques temps, voire même en termes d'années, vraiment moins portée à sortir mon téléphone cellulaire et à prendre des photos si, par exemple, je suis en voyage, si je suis en soirée avec des amis ou en soirée avec la famille, peu importe. Je vais vraiment laisser mon téléphone plus de côté pour justement vivre le moment présent. Est-ce que je peux quand même juste souligner que tu avais un iPhone qui était plein côté mémoire jusqu'à il y a 2 mois? Ouais, mais il était plein par application. Ouais, c'est ça. T'avais pas de place pour prendre des photos. J'avais 2G. T'as pas de place les photos. Oui, non, je sais, mais même à ça, si on allait dans celui-là, il y en a pas plus. Non, mais t'as pris l'habitude quand même. Peut-être de moins prendre de photos. Moi, depuis que j'ai de la place sur mon téléphone, je suis tout le temps en train d'en prendre. Ça sert de mémoire pour moi. Parce que j'ai pas de mémoire. Ouais. T'sais. Mais est-ce que tu te souviens vraiment? Non. C'est ça l'affaire. Et je ne retourne pas nécessairement non plus. Exactement. Tu sais, oui, prendre une photo, c'est bien, mais qui va vraiment retourner dans ses photos pour observer ses photos? Rarement. Dire, oh mon Dieu, à quel point c'était un beau moment. C'est vraiment très rare. Je suis plus du genre à retourner en arrière pour effacer des photos que j'ai plus besoin d'avoir. Oui, vraiment, ça, je suis d'accord avec toi. Donc, de ce côté-là, je pense que oui, ça fait vraiment une altercation avec notre mémoire. Je pense qu'on a, à mettre de l'avant, en fait, de vivre le moment présent dans un événement, peu importe quel type d'événement c'est. Puis, si on veut vraiment prendre une photo, bien, on le prend à un seul moment de la soirée. Ouais. Pas obligé de prendre 12 photos pendant une soirée. Genre à la toute fin pour commémorer cet événement que vous avez vécu vraiment dans le moment présent. Tout à fait. J'aime ça. Je pense que c'est quelque chose qui est différent, puis c'est quelque chose qui va faire son petit bout de chemin aussi, surtout avec les téléphones intelligents. Les gens ont vraiment tendance à sortir de façon très rapidement leur téléphone intelligent, ouais. Tandis qu'on si on le laisse un petit peu plus de côté dans un événement où on est entouré de personnes ou qu'on est entouré de culture, parce que souvent en voyage et qu'on fait le touriste, c'est ça qui va arriver. C'est on veut photographier la culture, on veut photographier l'architecture. Donc de ce côté-là, on va probablement avoir plus de meilleurs souvenirs si on sort pas notre appareil téléphonique. Je suis bien d'accord. Et c'est plate, les compagnies ont comme simplifié la tâche de prendre des photos. Comme sur mon téléphone, il y a un bouton appareil photo directement sur, sur la page d'accueil. Sinon, tu peux glisser des fois à gauche pour l'avoir. Sur Android, je pense que tu peux cliquer directement sur un bouton, je ne sais pas quoi, pour prendre une photo. Bref, c'est trop facile. Fait qu'on a tendance à être rapide sur la gâchette. Tout à fait. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Tania is gonna entertain you. Tu nous reviens tantôt avec une autre chronique. Ben oui, certainement. Sur le chocolat. Sur le chocolat. Sur le chocolat. Mais avant ça, on a parlé de photos et on se demandait, coudonc, si on veut se rappeler avec qui on était, il faut prendre des photos. Oui. Fait qu'on se demande, on est-tu ensemble? Fais-tu quelque chose ensemble? Oh mon Dieu. Are we together now? Are we together? Voici The Franklin Electric. Assemblage requis. I wanna know what it means to be sinking down. I want a piece of the pie, I want a secret. I wanna taste, wanna touch, wanna teach it. Feels like the boys and girls are telling secrets. I wanna scream it out, I'm calling to the spirits. I wanna feel like a bird in a cage, just a phone call away as I'm talking to my own self. Together now. toujours dans l'émission matinale Assemblage requis, accompagné de Mathieu Plante. Et de Tania Baudin. Mathieu, on n'est pas seul en studio. Non, c'est vrai, dans quelques grosse instants. Émission, hein, grosse émission, quand même, aujourd'hui. Ça commence là, là. Ouais, ta chronique, c'était comme... C'est ça, c'était passager. Tantôt, on va voir Philippe Fournier avec nous pour parler de finances, d'argent. Alors, on va mettre la table pour le sujet qu'il va aborder pour les trois prochaines semaines, en fait. Oui. On trois chroniques financières à venir. Mais avant ça, la journée nous appartient si on en profite comme faut. Donc, voici Sloan avec The Day Will Be Mine, tout de suite à Assemblage requis. Assemblage requis, oui, la journée nous appartient. Carpe diem et autres phrases creuses de page Facebook. T'es philosophique ce matin, Mathieu. Merci beaucoup. toujours Assemblage requis, donc après cette chanson, quand même pas mal bonne de Sloan qu'on devrait jouer plus souvent. Hein? Qu'on ne va pas tant jouer. Hein? Non, c'est ça. C'est quand même récent comme ajout. Parlant d'ajout récent. Oui. Je fais-tu des liens qui n'ont pas la C'est incroyable ce matin. Hein? Pas de sens. C'est Philippe Fournier qu'on accueille, nouveau chroniqueur en cette presque fin de session, qui est là pour terminer la saison avec nous. Merci d'être là. Philippe Fournier, bonjour. Merci beaucoup. Bon matin à vous deux. Ça va bien? Bon matin. Ça va? Oui, ça va très, très bien. Toi qui es un gars de finance, qui est un expert, on peut te faire confiance parce que là, on se demandait à Ron Ouamé, tu sais, pourquoi est-ce que je vais croire Philippe Fournier? C'est ça. Il a l'air bien fin, hein? C'est bien chic, mais à un moment donné, pourquoi est-ce que je te ferais confiance? Qui es-tu, Philippe Fournier? Alors, merci premièrement de me recevoir. Avec plaisir. Philippe Fournier, c'est qui? C'est quelqu'un qui adore les chiffres, premièrement. Ouais. Quel chiffre? Mettons ton préféré. Ton préféré? Non, mais tu sais, ton chiffre préféré, je veux savoir ça. Il y a mes préférés, puis il y a mes chiffres chanceux, tu sais, c'est pas pareil. Okay. Fin... Ah, c'est ça. Okay. Mettons mon chiffre préféré, le 7, okay, et mes chiffres chanceux, c'est le 23 puis le 27. Ah! Ouais, okay. C'est bon, tant mieux. Ouais. Des dates de naissance, des trucs comme ça, j'imagine. Ton NIP. Ouais, exactement. Non, c'est ça le conseil financier ce That's matin. It. C'est exactement ça. De Philippe Fournier. Non, donc pour vrai, qui es-tu, que fais-tu? Ben, premièrement, moi, au jour le jour, je coach des entrepreneurs. Alors, j'accompagne des gens à se surpasser, à passer au prochain niveau. Mais ça fait 12 ans que je suis entrepreneur. Mm-hmm. Et puis, j'ai appris avec le temps à gérer les chiffres. C'est sûr et certain... je ne suis pas là-dedans que j'ai étudié. Ah non? Okay. Non. C'est surprenant. J'ai un bac multidisciplinaire en anthropologie et histoire. Okay. Le comportement des gens, c'est très important dans les finances aussi. C'est bien dit, exactement. Apprendre à comprendre les gens. Ouais. Puis à pourquoi ils agissent comme ça. Exactement. Fait que des fois, on ne comprend jamais dans quelle direction qu'on s'en va. Mais j'ai toujours cherché à m'améliorer puis à en apprendre davantage. Et puis, la finance... L'entrepreneuriat, c'est toujours quelque chose qui m'a passionné, que j'ai par moi-même été chercher l'information et puis vouloir grandir là-dedans. Un peu autodidacte là-dedans. Vrai. C'est pas mal ça. Et ça t'a amené à travailler là-dedans. Qu'est-ce qui te passionne dans ces chiffres-là? Parce que là, c'est bien beau de dire, OK, j'aime les chiffres, mais concrètement, qu'est-ce que ça t'apporte? Le cash. Le cash, non, mais c'est ça. Qu'est-ce que t'aimes de l'argent? Leur couleur. L'argent, non, dans le fond, l'argent, ce que ça apporte, c'est juste des choix. Okay. Ça te donne des possibilités. Mmh. Puis en même temps, c'est le fait que quand tu la gères bien, ben t'es jamais en questionnement, est-ce que je peux faire telle ou telle chose? Moi, je pense que c'est un peu... La liberté. Exactement. C'est la différence de nos vies, ça, Mathieu. Oui, c'est ça. Combien de fois allons-nous le dire cette semaine? l'argent, c'est bien beau, mais il faut que tu la fasses travailler pour toi. Vrai. C'est un peu ça. Donc, j'imagine que c'est le principe un peu de la chronique qu'on va faire pour les trois prochaines semaines. De quoi est-ce qu'on va parler pendant ta chronique en général, mettons? Oui, excellent. Mais aujourd'hui, j'allais parler de la boîte à outils. Puis ça, la boîte à outils va ouvrir plusieurs portes. Okay. Puis à chaque semaine, dans le fond, on va aller ouvrir ou fermer ces autres portes-là, tout simplement. Okay. Donc c'est vraiment comme la chronique d'introduction qui va vous dire qu'est-ce qui s'en vient plus tard avec des spoilers. Exactement. Ça. J'aime ça. C'est comme un investissement qui va faire un taux d'intérêt jusqu'à la toute fin de la chronique. J'aime ça. Exactement. Donc commençons avec la boîte à outils. Qu'est-ce que c'est pour ça? Est-ce qu'on a besoin d'outils pour la remplir, cette boîte-là? Exactement, hein? Ça commence avec justement ça, cette première comparaison-là. Exemple que vous allez construire une maison. Okay? Mm-hmm. Avez-vous seulement un marteau dans votre coffre à outils? C'est pas vrai. Si je suis contracteur, non. Si on prend mon cas, oui. Non, si on parle de boire beaucoup d'alcool et être marteau, peut-être. C'est pas pire, ça aussi. Mais non, on a besoin de plus que ça. Ben oui, exactement. Moi, que ce soit un marteau multitâche qui te vend à la TV dans une infopub. Là. Vrai. Puis avec un marteau lui-même, on peut réussir à faire plusieurs choses, mais ultimement, ça va être très, très, très long construire une maison. On s'entend? Oui. C'est pas optimal. Ou un autre exemple, dans ma boîte à outils, si exemple, j'ai juste un tournevis tête plate. Je peux être capable d'aller dans une tête carrée ou dans une étoile, mais à un moment donné, ça va chier. C'est sûr, ouais. Mais c'est ça le principe un peu de la planification financière, c'est que chacun des outils, à un certain moment, va être meilleur qu'un autre. Mm-hmm. Puis moi, ce que j'aimerais faire avec vous un peu lors de ces chroniques, c'est démystifier certains principes ou ce que les gens identifient certaines choses à certains endroits, mais c'est pas tout le temps ça. Ouais, tu dis, hey, crime, une spatule, c'est bon pour, je sais pas, changer de poste à TV. Non, c'est pas... Ouais, non, c'est pas une télécommande. C'est ça, c'est ça. Mais les gens, souvent, ah, j'ai tellement tout le temps fait ça comme ça, ou... Ouais. Moi, j'appelle ça la théorie du beau-frère. Je te l'avais un petit peu expliqué, là, dans... C'est quoi, dans cette théorie-là? La théorie du beau-frère, c'est que... Ça m'intrigue, ouais. Hein? C'est qu'en finance... tu sais, ça côtoie tout le monde, ça touche tout le monde de près ou de loin, parce qu'on a tous à gérer de l'argent. Littéralement. La théorie du beau-frère, ça veut dire qu'il y a tout le temps quelqu'un qui a une opinion là-dessus. Ah, ben oui. Une opinion qui n'est pas basée sur grand-chose. Exactement. Hein? Sur son propre vécu. C'est ça, puis, ça, c'est les bons jours. Puis quand c'est le temps, exemple, d'avoir... j'ai mal aux dents, mais je vois pas chez le pâtissier. Ou quand mon auto va mal, ben, je vois pas chez la coiffeuse. Mais quand on a un problème de finance, souvent on pose les questions un peu à tout le monde. On va pas voir la bonne personne. Puis ça, c'est l'art justement de parler avec les professionnels au bon moment. C'est sûr que tu peux commencer par ça. Si mettons, OK, tu dis, bon, j'ai tellement de problèmes financiers, je vais faire faillite voir. Bon, je vais demander à des gens que je connais qui ont fait faillite. Là, tu leur parles, là, tu réalises que, ouais, non, je ferais pas... Mauvaise idée, non. Mais c'est un bon début, mais il faut que tu ailles voir plus loin après. Exactement. C'est que notre connaissance de la finance, c'est tellement moins. Oui. Tu sais, tellement moins 1000. Moins 1000. Mettons. Surtout avec les cours au secondaire, on apprend à jouer de la flûte. C'est ça. J'ai bien aimé cet envoi. C'est un meme sur Internet, merci. Ouais. Non, c'est vrai, on apprend pas les finances, on apprend à jouer de la flûte. T'sais, ça sert vraiment beaucoup. Là. Exactement. Tout le temps en train de jouer de la flûte. Tout le temps. J'en ai une dans ma poche. Alors, au niveau de notre boîte à outils, justement, mais c'est de bien comprendre tous les outils que les différentes sociétés financières puissent nous offrir, puis les utiliser à bon escient, les mettre aux bonnes places. Fait à chaque moment de notre vie, mais un outil va être meilleur qu'un autre, parce que bien souvent, des gens vont dire « Ah, les immeubles, c'est les multiplex, ça, c'est la meilleure chose. Ouais. Je devrais investir juste en immobilier. » Il y en a qui veulent faire ça de leur vie. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je sais pas, des fois, c'est une pas chose dit que... ça de notre vie. Non, mais t'as envie, peut-être, d'aller voir le domaine pour savoir ce que c'est. T'sais. Peut-être c'est pas une bonne idée. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Il n'y a pas d'outil qui est mauvais. C'est juste qu'à certains moments, l'immobilier, c'est merveilleux. Je dis pas de pas le faire. J'en ai personnellement. C'est que c'est pas liquide. Où, tu sais, ça amène son lot de complexité, de travail qu'on doit y mettre. Enfin, c'est sûr et certain que chacun de ces outils-là, à un certain moment, ben, il va être préférable. Fait que c'est vraiment ça ici. Là. Parce qu'il y en a d'autres qui vont dire « Ah, moi, je jure que par le REER », d'autres que par des outils de gestion de risque. La bourse. Exactement. Ça arrive. Oui. Ben oui. Tu peux faire de l'argent sur la bourse, tu peux aussi perdre beaucoup d'argent sur la bourse. Exactement. Exactement. Puis comme justement avec nos amis Trump et Poutine présentement, ça met beaucoup d'étincelles. Puis c'est sûr et certain que ça crée des occasions en même temps. Puis c'est ça le but, je pense. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Fait que dans le fond, pour continuer dans la veine de la boîte à outils, j'aimerais parler aussi, c'est que ça nous amène une façon de vivre, d'agir et penser. OK? Puis c'est à nous qu'on va devoir gérer notre budget, puis comme une entreprise. C'est là que je veux amener les gens. OK? Pourquoi gérer notre budget comme une entreprise? Puis tantôt, vous en avez parlé aussi. C'est comme, tout comme une entreprise, on a différents stades dans notre vie où ce que notre situation va changer, puis qu'on va devoir faire des choix différents. Exemple, là, on s'entend, vous êtes des jeunes, on appelle ça des jeunes en pleine croissance économique, OK? Fait, vous êtes aux études? Non. Mettons, on va jouer le rôle d'étudiant. OK. Et aussi, j'ai 27 ans, mettons. Ouais, c'est ça. Ah non, mais il y en a que ça peut être plus long, oui, là, tu sais. C'est juste qu'on a terminé les deux, On représente la population étudiante en tant qu'animateur. Oui, c'est ça, exactement. OK, excellent. Bon, mais c'est sûr que si je vous rencontre à l'université, je crois ça, mais ouais. Bon. Mais c'est ce que la plupart des gens croient. Voilà, okay. C'est ce qu'on essaye de leur dire. C'est ça, on est des petits menteurs. Bon, mais vous êtes tout de même des jeunes en pleine croissance économique. Ça veut dire que vous avez terminé, exemple comme une entreprise, c'est le fait, vous avez terminé vos études, vous avez octroyé des dettes ou vous prévoyez le faire avec des achats importants, puis comme une première maison. Une entreprise, c'est au niveau de sa recherche de financement. Mon point ici, c'est que on doit adapter ses choix en fonction de ses revenus. Ouais. Okay? Fait il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens, c'est ce que ça veut dire. Exactement. Fait que les quatre phases, là, c'est jeune en pleine croissance économique, jeune famille préoccupée, famille établie et retraitée. Okay? Puis c'est vraiment d'adapter, comme je vous dis, ses choix, ses décisions difficiles tout au long des différentes étapes. Puis si on fait ces bons choix-là, ben on fera jamais faillite un peu mais comme non, une entreprise. Puis j'ai gratté un peu de ce côté-là, puis on est au Québec, par année, au Québec seulement, il y a 40 000 faillites. Ouh! Wow. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui prennent pas les bonnes décisions à chaque année. Non, ou qui savent pas prendre les bonnes décisions aussi. Quand t'es jeune, surtout, tu te dis, tu sais, hein? Carte de crédit. C'est ça, oui, donc. Il m'offrait 3 000 $. Madame Ménager. C'est de l'argent gratis. Ouais, ouais. Non, c'est pas une bonne idée. Ça. Non, exact. Faites pas et ça. Et après ça, tu le regrettes très longtemps. Ouais, mettons. Ça laisse des traces pendant plusieurs années, cette histoire-là. Quand on fait faillite, je pense que c'est 6 ou 7. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, la carte de crédit, c'est cool, ça, c'est sûr. Ouais. Mais c'est un outil où à chaque... Ben ça va être le sujet d'un autre... D'un autre chronique. Un autre chronique, exactement. Mais en tout cas, on reviendra à ça. Ouais. Où est-ce que je suis rendu? On est avec Philippe Fournier en passant, qui est oui. expert en finance. On a appris un petit peu à le connaître et on va apprendre à le connaître pour les 3 prochaines semaines aussi. Exactement. J'ai hâte de voir. On va essayer d'aider notre portefeuille. C'est ça, c'est ça. Ça va nous créer de l'argent pour pouvoir s'acheter les jeux de société avec Mathieu Janvier oui, après. Oui, c'est ça, exact. Une chose à la fois. Donc, on disait. J'allais parler premièrement des autres sujets, des autres chroniques, ouais. pour mettre la table de ce côté-là. Alors, justement, le premier sujet, c'est différencier les différents types de crédits. OK? Oui. Ensuite, quand on a mis la table pour ça, c'est l'hypothèque sous toutes ses formes, puis on allait parler du régime d'ascension à la propriété. Un budget, oui ou non, c'est important, ça vaut-tu vraiment la peine? Épargner tôt, récolter tôt. Je sais que vous aviez déjà parlé un peu des différents types de véhicules d'épargne, mais peut-être juste se repasser, faire les un... CELI et autres trucs. Exactement. D'autres acronymes. Ensuite, comment décaisser intelligemment? Ça, c'est sûr et certain, c'est un petit peu plus tard là, dans notre... dans notre processus financier. Exactement. Oui, c'est ça. Comment se bâtir un patrimoine, puis comment gérer les risques. Okay. Puis finalement, acheter, c'est voter. Comment nos habitudes d'achat ont un impact sur le monde? Ouais, ah, j'avoue. Ben oui. Et si tu fais faillite, ça ne doit pas aider le commerce québécois, j'imagine. Avec 40 000 personnes qui ont fait faillite, ça veut dire que l'argent qui est supposé aller à quelque part n'est pas allé à quelque part, finalement. Très bon si point. Très bon point. Et je voulais parler de banques et de caisses un petit peu avec toi. Les gens ont tendance à traiter les banques et les caisses comme des vilains qui veulent vraiment profiter de toi. Je pense que c'est l'opinion que bien des gens ont. Certainement, oui. Probablement. Mais en tant que tel... C'est comme un vendeur de char, tu sais. C'est ça. C'est dans le même créneau. De faire du cash. Mais en même temps, si tu y penses comme il faut et que tu utilises leur service correctement, tu peux faire du cash sur leur dos. Vrai. N'est-ce pas? On parlait de ça, Tania et moi, l'autre fois, par rapport au... Une très grande discussion. Des fois, j'ai des petites discussions financières avec Tania. Ben oui. Puis je me demande, toi, qu'est-ce que t'en penses en tant que gars qui connaît les finances? Mettons une carte de crédit. T'offres un retour en argent de 1%. Okay? Oui. À chaque que tu fais sur ta carte de crédit, 1% va être accumulé jusqu'à temps que tu aies 25$ qui va être déposé dans ton compte. Est-ce que c'est 1% de nouvel argent ou est-ce que c'est 1% de... Comment tu l'expliquais? Ben de ton retour, de ton propre argent, de ton propre argent, oui, exact. Ben, règle de base, avec la carte de crédit, elle doit être payée 100% oui, à toutes les fins de mois. 100% ouais. Tous les fins de mois. Ouais. 100%. Si exemple, tout dépendamment des cartes de crédit, parce que souvent, les remises en argent qu'on appelle, ils vont donner 1%, comme vous dites, mais c'est pas sur tout. Okay? Non, c'est ça. Seulement sur PayPal, c'est ça. Ouais. Faut vérifier, là, mais il y en a plusieurs exemples que ça va être, mettons, 2% sur l'épicerie, sur l'essence, puis 1% après ça sur... Oui, la mienne, c'est 0.5% si je paye avec la puce. Oui, c'est mais vrai. Mais 1%, c'est un compte prépayé ou du PayPal. OK. Bon, ben, mettons. On pourrait en parler parce qu'il y en a des meilleurs que ça. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est gratuit. Faut penser aussi aux frais que ta carte de crédit coûte. Vrai, mais si, exemple, payer 100$ de frais te rapporte 5 fois plus en bout de ligne, ben, tu sais, c'est un choix facile à faire. Je suis d'accord. Fait que oui, c'est sur tout l'argent que tu auras dépensé, ça te revient 1%. Mais si, exemple, 1000$ en frais à la fin du mois, mais t'auras pas 1% sur ça. Parce que t'as pas payé ton argent complet, c'est non, ça? Non, moi, en fait, ce que je disais... Ouais, raconte-nous comment tu pensais ça. OK, c'est que tu payes avec ta carte de crédit. Ouais. Donc, automatiquement, tu dois payer ta carte de crédit par la suite. Ouais. On s'entend, pour la mettre à zéro. Donc, tu as pris de ton compte chèque de l'argent que tu as mis sur ta carte de crédit et ta carte de crédit te redonne 1%. Donc, on te redonne ta propre argent. Ouais, exactement. Mais attends un peu. Mais dans le fond, c'est les détaillants qui payent oui, ça. C'est ça qu'on avait dit. On a fini par s'entendre là-dessus que c'est les détaillants qui payent ces frais-là. Mais who cares? Parce que c'est pas mes affaires. S'ils veulent offrir le service de carte, c'est pas mon problème. Mais ben oui, mais. En fond, c'est médu. Le détaillant, lui, il va faire un profit sur le bien acheté. Oui, c'est ça. Fait. Puis habituellement, c'est 2% les moins chers. Je pense, American Express, ça va jusqu'à 3%. Fait que c'est pour ça que la plupart des détaillants l'ont pas parce qu'elle coûte quasiment 50% plus cher que les autres. C'est pour ça qu'ils mettent un minimum de prix. Exactement. Pour payer 3$ pour pouvoir... Tout à fait. Exactement. Mais c'est ce qu'on a réussi à déterminer. Ben, c'est ça, parce que dans le fond, c'est les détaillants qui payent ce pourcentage-là, mais c'est un service qu'ils offrent. Puis moi, ben, j'ai le droit de reprendre mon 1% que la compagnie m'offre. Je profite dans le fond du système. Vrai? Si on veut. Oui, oui. Mais c'est quand même de la nouvelle argent. Vrai. Dans le sens que c'est pas de l'argent que j'avais à la base. Mm-mm. Voilà. Hein? Tu vois, ça valait la peine d'en parler. Ben, c'est pas. Ben, t'as fait la même conclusion. Ben, c'est de l'argent pour moi. Tu l'as dépensé, tu l'as repayé sur ta carte de crédit. Oui. Fait qu'on te la redonne. Non, mais c'est annulé. Si, mettons, t'as dépensé 100$ sur ton crédit, puis tu le repayes avec ton débit, ça fait 0$, puis il te donne 1%, fait que t'as 1$. Et nouvelle, cette pièce-là. Vrai. Mais en théorie, t'as 99$. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça, j'avais je un dire, peu moi. Les deux raisons. Un peu les deux okay. raisons. Bon, voilà. Hein? Hein? Voilà. Mais c'est ça que l'article que t'avais envoyé disait c'est aussi, c'est que les deux, on avait pas mal raison. Exact, mais j'aime ça quand on a les deux raisons, parce que comme ça, notre côté compétitif, à date, on s'est jamais pogné pour rien. Autre que pour ça, hein, on était intense cette journée-là. Oui, mais on a réussi à s'en sortir. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de ça? Parce que ça me tentait. Hein? Ouais. On était rendu où dans ta chronique, excuse-moi de t'interrompre. Ça va être comme ça pendant 3 semaines, fait que ça. Hein? Habitue-toi. Mais on va te mettre dans le bain. Mais c'est, je pense qu'on va, ça va pas continuer dans cette ligne-là, mais pratiquement. Okay. C'est, okay. Je veux parler des 3 règles empiriques de la planification financière. Oh d'après les vous, c'est quoi les 3 règles empiriques? De la planification financière. Oh boy. Prends-toi un conseiller financier. Ouais, c'est ça. Ah, mais le pire, c'est t'as quasiment une bonne ouais? réponse. OK, yeah. OK. Je pense qu'on a parlé de budget tantôt, ça a sûrement rapport avec le budget. Hein? Ça dépend dans quelle vision tu vois ça, je pense. Mm-hmm. Oui et non, mais je vois un peu dans la direction où tu veux t'en aller. Éduque-toi. Ouais. Ah, vous êtes pas pire. Okay. C'est vous touchez de proche et de loin. Okay. La première, c'est payez-vous en premier. Ah, on entend souvent ça, mais ça veut dire quoi ce payer ouais, en premier? Parce que si on fait ça, pas grave, du monde va me courir après, moi. Il y a le loyer là-dedans aussi, là. Ah, c'est ça, hein. C'est ça. Je veux dire. Mais c'est bonjour de mettre de l'argent de côté en premier avant de payer le reste, j'imagine, non? Wow, excellent. Je sais pas, j'ai n'importe quoi. C'est non, ça? Mais c'est. Oui, c'est que. Par exemple, à tous les mois, on s'entend, on a toutes des dépenses fixes ouais. variables. Après ça, on tombe dans le luxe. Ouais. Après ça, les gugus. Puis s'il nous reste de l'argent, épargne. Ouais, exactement. OK, oui, OK, ouais, je comprends. Mais payez-vous en premier, ça veut dire on met l'épargne en premier, avant les dépenses énorme, fixes. Là. Non. Avant les dépenses fixes? Oui. Hein? Ben, c'est sûr. Oh, attends une minute, là. Moi, j'ai pas été éduqué de même. Mettons que tu te mets 50$ de côté par mois, par ouais. paye, quelque chose comme ça, et qu'après ça, tu payes ton loyer et tes autres comptes, il va te rester quand même de l'excédent à la fin, mais pas autant que si t'avais pas payé ton épargne en premier. Mais en tant que tel, l'argent que t'as pas, t'en dépenseras pas. Exactement. C'est que, habituellement, tout part en gugus. C'est ça. Ouais. C'est facile, ça. Oui. Ben, comment? Mon appart, mettons, c'est un gugus. Moi, dans ma tête, c'est pas mal un gugus. Ça fait épargne, loyer, j'imagine. Épargne, loyer, compte. Exactement. Ben, ça fait mais loyer, ça, c'est dans épargne, les dépenses compte. Fixes. Okay. Moi, dans ma tête. Épargne, dépenses fixes, fait qu'on s'entend cellulaire, hydro, ouais. Câble. Ouais, pour ouais. ceux qui ont ça. Loyer. Ouais, ça. Après ouais. ça, dépenses variables. Ça peut être. Restaurant. La bière, ouais. l'essence, exactement. La ça, bière, ça ouais. au top de la liste. Ah ouais. Non, mais c'est ça, priorité aussi. Là, c'est ça, exactement. Il va sûrement t'en rester à la fin. C'est ça l'affaire. C'est que ton épargne, vu que tu l'as fait en premier, t'as plus à y penser à ça. Fait qu'après ouais. ça, le reste qui te reste, ben tu vois, tu sais, quand il te reste, je sais pas, une centaine de piastres, mettons, à un moment donné, tu fais comme, OK, cool, j'ai 100 piastres. Mais s'il te reste juste 50 piastres, tu vas dire, ah ben OK, j'ai 50 piastres, je vais le dépenser. Non? Exactement. Comment ça? Fait que ça touche à ça, au okay. niveau de l'épargne, mais ça touche aussi un peu que tantôt quand on en a parlé sur les cartes de crédit. Quand qu'on paye à tous les mois de l'intérêt sur nos cartes de crédit, c'est qui qu'on aide? C'est la compagnie, mm-hmm. c'est pas soi. Et c'est ce qu'ils veulent. Exact. Fait que souvent, les gens, ils disent, ah, mais c'est correct de payer 18% pendant qu'ils mettent l'argent dans leur compte de banque à 0,1 milliard de zéro, puis ouais. à un moment donné, il y a un petit chiffre après. Ouais, ça fait a un sens. C'est... Ça, non, ça fait pas de sens. Et pendant, anecdote, là, pendant 3-4 ans, je pense, j'étais à la gorge sur ma carte de crédit. J'avais dit qu'il m'avait donné comme 3 000, mais tu sais, genre à chaque mois, je repayais un petit peu dessus, puis là, je revenais là-dessus sur le 3 000. Exact. Je disais tout le temps. Et depuis ce temps-là, ben, Colin, j'ai changé, il faut croire. Puis maintenant, je pense que ça fait 2 ans que j'ai pas payé d'intérêt. Mais c'est ça, par contre, c'est ça aussi qu'on disait. C'est que, exemple, que tout le monde paye leur carte de crédit de façon totalement responsable ouais, et normale. Les banques font pas d'argent. C'est ça, c'est ça qu'on veut faire. On veut profiter du système, non? Exactement. Ouais. Ils vont augmenter les frais aux détaillants ou les compagnies vont faire faillite. Ouais. Parce que ils restent en vie à cause des gens qui payent pas. À cause des caves, on va se le dire, là. Mais agir. Non, mais pour vrai. Merci, Mathieu, merci. Non, mais je m'inclus là-dedans parce que pendant plusieurs années, j'ai été vraiment moron ouais. avec mon argent, là. Mais tu sais, vraiment moron en acceptant tout le crédit qu'on te donne. Parce que c'est facile, par la main, sur une carte en mais carton. Oui, clairement. Là. Voici, tu sais, je sais pas. 7 000 Provincial 2 qui vous offre une carte de 3 800 $ sans aucun. Ok, toi, tu les prenais? Ben non, pas celle-là. Okay. Non, moi, j'ai magasiné plus que ça quand même. Okay. Mais sauf que quand on te donne trop de crédit, oui, on ben utilise oui, c'est trop ça. De crédit. Exactement. Fait que tu les appelles, tu dis, je vais descendre mon crédit à X montant. Oui. Et ils vont dire, mais messieurs, comment est-ce que vous allez faire pour vivre? Ouais, mais comment allez-vous faire pour vivre? Je ne vis déjà c'est pas, ça. Alors descends mon crédit. Fait que, tu sais, c'est qui a le contrôle là-dessus? C'est moi, parce que sinon je m'en vais, tu sais. Par rapport mais quel à ça... intérêt de bord est-ce que les banques ont à éduquer ces gens-là à bien utiliser leur carte voilà. de crédit s'ils font pas de profit? Ils font pas. Il y a un petit c'est là qu'ils sont vilains, les conseillers financiers. C'est ça. Les conseillers financiers qui sont attachés à une banque, ouais, souvent, sont peut-être pas les plus recommandables dans le sens qu'ils vont te fournir des informations qui sont biaisées. Valorisables si tu pour la banque. Un conseiller financier qui n'est pas attaché, qui est indépendant, qui reçoit des codes de tout le monde, tu as plus de chances d'avoir quelque chose qui va t'amener vers le bon chemin. Est-ce que je me trompe? Je vais parler dans cette direction-là. D'accord. Il confirme. Hein? Dit-il un peu éloigné de son micro. C'est ça. Je veux pas. On avait dit qu'on n'en parlait pas. Est-ce qu'on peut me censurer? Je veux pas mettre aucune institution à dos, c'est sûr. Puis ouais. Je veux pas parler contre personne. À date, on n'a pas mentionné personne sur Provincial 2. Mais, exemple, c'est sûr et certain, si on revient vite sur la carte de crédit, ouais. Des fois, les gens oublient que. C'est normal d'un mois d'oublier de payer sa carte de crédit, ouais, mais qui prend le temps de les appeler pour dire « Hey, j'ai oublié, je paye tout le temps. » Je peux faire une entente de paiement. Pourriez-vous, non, juste m'enlever les intérêts ce mois-ci. Ah, arrête donc. C'est demandable. Ben oui. Ah, ouais. Ils vont toujours le faire. Okay. Ils vont toujours le faire. Mais ça, les gens ne prennent pas le temps d'appeler. C'est, oh, wow. C'est comme appeler Vidéotron quand ça fait 5 fois qu'ils t'augmentent. Puis, tu sais, pendant ce temps-là, il y a des forfaits partout ailleurs. Il faut constamment les appeler. Okay, parce qu'on ne se fâche pas assez sur nos comptes. Mais c'est pas nécessairement de se fâcher, c'est de leur dire, tu sais, je vois ce que vous faites. Puis j'accepte pas ça. Vrai. Mais tu parles de compte de cellulaire, de compte Internet, ça, je veux dire, c'est parmi les premières choses que j'ai faites pour devenir sage financièrement, mais j'avoue que la compagnie de carte de crédit, j'avais jamais pensé à ça. J'ai entendu dire aussi que tu peux demander d'avoir un taux d'intérêt plus faible. Est-ce que ça se fait au Québec, ça? Oui, mais en même temps, si tu la payes à tous les mois, c'est pas utile. C'est ça. Enfin, à la place, tu devrais plus négocier une hypothèque ou une marge de crédit. Personnel ou hypothécaire, ou est-ce que ça, c'est plus un outil où est-ce que tu vas travailler avec? Tandis qu'une carte de crédit, même s'il te la baisse de 18 à 10, c'est encore une catastrophe. Il faut jamais laisser de l'argent dessus à tous les mois. Jamais. Mais on en reparlera quand on parlera de crédit, mais c'est que la carte de crédit, c'est un taux mensuel. Ouais. Mm-hmm. Calculé à chaque mois. Exactement. Tandis que les autres outils, c'est soit des taux semestriels ou taux annuels. Fait à taux égal, c'est toujours meilleur. Mm-hmm. C'est bon à savoir. Ça. Ouais. Fait bon. Qu'on était toujours dans notre première règle. Oui, empirique. Ben oui, tout okay? à fait. Fait que se payer en premier, ça veut dire toujours se privilégier quand c'est le temps de faire une épargne ou de payer qu'est-ce qu'on doit payer. OK? Le deuxième point, c'est de toujours avoir de 3 à 6 mois de revenus de côté. Ça, c'est difficile. Hein? Il est là. Ah, on n'est même pas proche d'un mois, on n'est pas proche d'une paye, je pense. C'est ça, exactement. Ouais. Ben, c'est pas. T'sais, je pense qu'on n'est pas les seuls. Là. J'ai déjà lu des études qui disent que les Québécois vivent paycheck par paycheck. C'est là. Ça. Il y en a beaucoup. Ouais, c'est ça. Dépendant du domaine, là, mais mettons que dans le communautaire, hein, c'est ça. Mais c'est pas tant du domaine. C'est là où ce qu'il faut. C'est notre gestion. Exact. Ça, ouais, je veux pas dire, mais oui. Non, mais on impression de parler à mon père. Je sais pas si c'est bon, ça. J'ai toi, Tania. Il a raison, tu sais. C'est pas le fun d'entendre des affaires comme ça, mais il faut que quelqu'un. Mais non, mais c'est vrai, ça. Là, tu sais. Mais c'est qu'on a tous passé par là. Ouais. Ben ouais. J'ai déjà été étudiant, et on a déjà eu des micro-payes, là. Mm-hmm. Sauf que. C'est soit que tu gères les revenus ou les dépenses. Mm-hmm. Fait que si t'as de la difficulté avec ton budget, ça veut dire soit t'augmentes tes revenus ou, dans le fond, tu diminues tes dépenses. Fait que là, on a parlé de quelques façons on peut aller diminuer nos services sur nos... tu sais, le câble, dans le fond, si on paye pas pour ça, ou cellulaire, la boîte vocale 50 000, tu sais, ou... Il y a plein de façons qu'on peut diminuer nos revenus. Il y a tellement de choses qu'on peut faire qui ne coûtent pas d'argent aussi, sauf que des fois, on est dans des patterns où ce que on n'est pas capable de changer nos habitudes. Puis c'est de changer nos habitudes parce qu'on est dans une société de consommation où ce que constamment, ils nous bombardent qu'il faut qu'on ait des choses nouvelles. Mm-hmm. Il y a le voisin gonflable. tu sais, Oui, ça, j'aime ça. Ouais. Fait que... Il faut, c'est parce que ce que vous savez pas, c'est que nous, on voit les finances des gens. Mmh. OK? C'est ça qui m'effraie, moi, un peu. Nous étant les conseillers financiers et ceux qui vont pouvoir aller voir ta cote de crédit, rentrer dans le système de CAFAX puis TransUnion puis ces trucs-là. C'est, moi, j'accompagne surtout des gens dans des rencontres. Fait que je suis quand même, tu sais, je suis en mode shadow, si on voulait. Mmh. Fait que je vois quand même les situations. Puis en surface. Puis la réalité, c'est deux choses bien différentes. Oui, oui, oui. Iceberg, pas puis, mal. Oui, oui. Puis, tu sais, vous voyez, oh, lui, regardez ça, ça va bien, ses affaires. Oui, puis là, tu arrives à la maison, puis c'est une catastrophe. Les comptes s'empilent, il n'y a rien de payé. Oui. Exactement. Enfin, il faut vraiment se fier à soi. Puis c'est nos revenus, puis on adapte nos dépenses en fonction de nos revenus. Est-ce que c'est pour ça que le côté finance a toujours été quand même un peu tabou? C'est que peut-être que pour toi, t'es pauvre, mais peut-être que pour moi, je suis vraiment pauvre puis on n'a pas tout le même revenu. C'est les apparences aussi. On veut avoir l'air de bien aller. Ben oui. En intérieur, t'as pas d'argent. Non. Fait que mon deuxième point, le 3, 6 mois de revenus de côté, pourquoi qu'on fait ça? C'est dans le fond, c'est juste pour... faire face à la musique s'il arrive quelque chose. C'est ça. Les imprévisibles, les impondérables. Oui, mais en même temps, ça peut passer un imprévisible, ça peut être par une occasion d'affaires aussi. Ouais, t'as la chance d'investir sur quelque chose ou d'aller dans l'immobilier, je sais pas trop quoi. Ouais. T'as un montant déjà de côté. Aller en voyage. Tu sais, c'est dans le fond, bien gérer son budget, c'est de toujours avoir l'argent disponible puis jamais être à crédit. C'est sûr et certain... Il y en a plusieurs qui vont dire le crédit créatif, c'est merveilleux pour aller en immobilier. Je veux pas rentrer là-dedans, je veux pas dire que c'est mauvais, mais en même temps, chaque crédit est pas fait pour tout le monde non plus. Ben, il faut être sérieux dans nos différentes démarches par rapport à ça aussi. Fait que ça, c'était le deuxième point. Puis le troisième point, mais tantôt tu l'as amené, Tania, c'est d'avoir un conseiller de confiance. C'est ceux-là qui sont durs à trouver. Exactement. Ils sont pas dans l'annuaire, mettons. Peut-être qu'ils sont, je sais pas. Sont-ils dans l'annuaire? Non. Ils sont pas sur ce titre-là. Ils sont pas sur Google. Fait que si on respecte déjà là, ces trois règles-là, on a une bonne longueur d'avance. Mm-hmm. Mais comment ça se trouve, un conseiller de confiance? Ouais, là, je peux pas aller leur demander. Ça revient à la parenthèse de tantôt dans laquelle il est allé dans mon sens de trouver quelqu'un qui est indépendant des banques. En effet, comment tu le trouves de façon complètement objective, Philippe Fournier? Exemple que vous voulez aller voir un show. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? On va voir une salle de spectacle. Des billets? Ouais. Non, très bon point. OK, mettons que... C'était pas ça qui Non, mais je viens d'inventer cet exemple-là. Fait OK. Mettons que tu vas aller voir un bon show puis tu le sais pas s'il est bon. Qu'est-ce que tu fais? Je vais voir... j'y vais pareil. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça mon problème. Ça va revenir au beau-frère. Tu vas demander à tes amis qu'ils ont déjà vu, tu sais. Vrai, mais en même temps, si quelqu'un a déjà... était voir, c'est sûr que pas tout le monde a les mêmes goûts bon pour un spectacle de musique, mais mettons plus pour un conseiller, si quelqu'un a déjà expérimenté quelqu'un, mais c'est déjà une longueur d'avance. Fait que ce que je voulais aller chercher, c'est par référence. Okay? Un peu comme tu vas chercher, mettons, tu demandes sur Facebook le meilleur massothérapeute à Trois-Rivières, mais tu pourrais demander qui est le meilleur conseiller financier qui va pas te fourrer par l'avant. C'est ça. Plus si t'as des amis conseillers, c'est sûr qu'ils vont te lever la main. Hein? Oui, c'est ça. Hein? Oui, mais vous êtes pas obligé de coucher avec au premier soir non plus, tu sais. Tu testes un peu. Exactement. C'est pareil comme c'est une date. C'est du speed dating. C'est ça. Deux fois dans la même chronique, j'ai abusé. Tu t'appelles une couple de conseillers, tu les amènes tous au même bar, puis là, tu poses des questions. C'est ça. Mais pour de vrai, tu sais, on fait les blagues, là, mais il n'y a rien qui vous empêche de faire ça. Il n'y a pas de contrat de signer dès le départ, là, non, non. Même en général. Mais est-ce que tu as le droit, par exemple, à une rencontre gratuite avec chaque conseiller, si tu m'aimes, ça marche? Vrai? Ah ouais. T'es pas obligé comme de... un Tinder. Donnez-nous un Tinder de conseiller financier. Mais parce qu'en tant que tel, le conseiller financier ne fait pas de l'argent sur toi, il fait de l'argent sur tous les services et les banques t'offrir. Et tout ça qui leur donnent des cotes, c'est ça? Oui et non, ça dépend des différentes institutions. Okay. Mais mettons pour les indépendants, c'est la compagnie qu'ils vont utiliser, qui vont les rémunérer. OK. Donc eux, ils vont choisir le meilleur service alors qu'une banque va choisir le service que la banque offre. Exactement, parce que cette personne-là, son but, c'est de vous garder comme client. C'est ça. OK, ils sont bien fins, puis ils peuvent même te dire, genre, tu sais, je suis pas là pour te vendre, nanana, tu sais, je vais bien te conseiller. Ouais, ils disent ça. J'en ai rencontré des conseillers financiers dans ma vie. Si tu m'offres des parts de la bourse en partant, hey, t'es pas dans mes grandes grâces. Pas tant, hein. Ah, mais tu sais, eux autres, ils se pensent vraiment probablement très, très indépendants mentalement. Probablement. Mais ils ont leur paycheck de la banque Paris. C'est ça. C'est ça. Hein? Mais c'est important, tu sais, juste de poser des questions. Comment cette personne travaille, son approche. Bien, déjà là, vous allez le sentir s'il y a un fit. Puis, tu sais, on sait déjà si la personne parle dans son intérêt ou non. Tu sais, puis je pense que c'est plutôt là l'importance, là. C'est dans quel intérêt tu travailles, tu sais. À part mon petit côté cynique là, qui voit du mal partout. Tout le monde, c'est ça. Faut être rationnel et raisonnable. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre? On approche de la fin de cette première chronique. Ben oui. Mais chronique, on aime ça. À date, par exemple. Oui. OK, je voulais continuer avec ça. Fait qu'on parle, bon, de mettre, faire des épargnes, se payer en premier, mettre 3-6 mois de côté. La prochaine règle, c'est que il faut toujours, selon son revenu, bien sûr, mettre au moins 20 % de côté. 20 % par paye. Par mois, par année, partout. Là. Exactement. C'est un autre... c'est une de mes règles à moi. OK. C'est un peu... Ben, c'est pas un chiffre arbitraire, mais c'est quelque chose qui pourrait te permettre de mettre quelque chose de significatif de côté et non pas juste des peanuts. Puis c'est minimum 20 %. Est-ce que c'est pour arriver à ton 3 à 6 mois d'avance ou c'est complètement autre chose? Très bonne question. Ça, dans le fond, c'est 12 ans. Ça fait 12 ans que je suis dans le domaine. C'est des chiffres que j'ai accumulés. Pourquoi? Parce que, dans le fond, pourquoi je dis 20 %? C'est que il y a le aujourd'hui, il y a le demain, puis il y a le plus tard. Ouais. OK? Mais le 20 %, je le sépare en trois catégories. Court, moyen, long terme. Fait il y a 5 %, dans le fond, 25 % de ce 20-là, qui est dans le court terme. Ça, c'est quoi? Je l'appelle le play jar. Okay. Ça veut dire que c'est pour s'amuser aujourd'hui. C'est ton petit cochonnet. Il faut vivre, t'sais, il faut s'amuser. On va aller au bon resto, on veut sortir, on va aller à Tomorrowland, on va aller wherever. Mais il est pris là-dedans. Ouais. Puis en même temps, c'est notre fonds d'urgence. Okay. C'est notre 3 à 6 mois. C'est le 5 % qu'il y a là. Ensuite, fait qu'à un moment donné, lui, quand il est fini d'être constitué, ben on peut l'attribuer aux autres catégories. Mm-hmm. La deuxième, puis dans le fond, c'est que chacun de ces boîtes-là, ben, c'est aligné sur un projet. Mm-hmm. Fait qu'en premier lieu, c'est déterminer nos projets. Peut-être tantôt, vous parliez de budget, mais le plan, le big picture, c'est aussi très important. Fait que, bon, premièrement, fait que 5 % dans le court terme. Ensuite, 5 % dans le moyen terme, puis lui, on l'aligne sur un projet majeur. Exemple, l'achat d'une maison, un chalet, un retour aux études, des enfants. Des enfants. Sortir de l'école. Achète-les. Oui. Si tu as 5 % tu peux t'acheter un enfant. Exactement. Exactement. Puis encore là, si on a assez d'argent pour faire le projet X, ben on peut réattribuer. Puis finalement, on a 10 % dans le long terme. OK. Puis, tu sais, le gouvernement, il dit, lui, vous devriez mettre au moins 18 % de votre revenu dans vos REER à chaque année. Moi, je mets 10 %. Okay. Puis, 10 %, c'est un départ, c'est parce que ce qu'on voit, c'est que les gens manquent toujours d'argent. Ils se payent pas en premier, puis ils oublient le plus tard. Mais c'est pour ça que cette stratégie-là d'épargne fait en sorte que on épargne pour aujourd'hui aussi, pour en profiter aujourd'hui, puis s'amuser aujourd'hui. Mais en même temps, on met pas le demain puis le plus tard de côté. Mm-hmm. C'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui doivent retirer leur REER à la suite d'une certaine faillite. Et se punir soi-même. Oui, exactement. Ouais. Une faillite ou peut-être juste un imprévu. Oui, exactement. Il faut déclarer aussi quand de l'argent de côté dans un compte d'économie, je me rappelle bien, les impôts qui s'en viennent là, qui sont en ce moment, il faut que tu fasses imprimer des relevés. Si tu as plus que, je crois que c'est, est-ce que c'est plus que 100 $ qu'il faut que tu fasses imprimer ton relevé pour le mettre aux impôts? C'est plus quand tu as un certain nombre de revenus par rapport à ça. OK. Quand, exemple, mettons quand tu as un X montant d'investi, puis ça déclare un gain, mais ce gain-là, quand il est au-dessus d'un certain montant, il faut que tu le déclares. C'est pas l'argent que tu as mis dans le compte d'économie, c'est l'argent qui s'est créé de toute pièce par rapport à ton économie. Exactement. Avec ton 0,00001% c'est ça. De ta banque. Fait que celui-là, tu n'auras pas besoin. Ils sont si généreux, non, ça va aller. Voilà, donc on arrête ici pour l'instant. On a une deuxième chronique la semaine prochaine. On continue ça. Oui, ça passe vite, hein, ces chroniques-là, ça passe vraiment vite. Donc la semaine prochaine et l'autre semaine d'après. Puis on verra après ça pour la suite. Donc la chronique financière. Sorcière de Philippe Fournier. On te remercie énormément. Oui, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On va aller faire des appels. C'est ça. Moi, je retiens de se payer en premier. C'est ça, exactement. C'est la première chose que je retiens. Alors, on prend une pause au retour. Mathieu Janvier va être là pour sa chronique de jeux de société. Jeux à gogo, restez là. Avec Hurler à la lune, assemblage requis à comme nous on hurle Mathieu Janvier, t'es où? Hello. Mais c'est pas grave, pendant que Mathieu Janvier s'en vient ou encore pas, on va avoir le temps de faire un petit bloc des palmarès, c'est fou. Ah oui, le bloc des palmarès, c'est fou, l'ont très négligé, palmarès, c'est fou, hein, on les utilise pas bien, mais ils sont quand même là, ils attendent qu'on vienne les voir, dans leur cage, en train de faire pipi partout. Ah, mon dieu, ok. Je sais pas, mais ils sont de même. T'es imagé ce matin. Pas mal. Donc, aujourd'hui, on va faire le blog du numéro 1 pour faire changement. On est jeudi. Habituellement, ce serait le jeudi, mais des fois, j'oublie. Nos précédentes premières positions qui étaient, on les a entendues lundi. C'était Hubert Lenoir et Hot qui étaient au sommet. Maintenant, on a peut-être de nouveau numéro 1 pour la semaine du 2 au 15 avril 2018. Donc, voici le bloc des numéro 1. Les palmarès, c'est fou. I wanna be. C'était le numéro 1 pour la période du 2 au 15 avril 2018, oui. En francophone, c'était L'œil qu'April avec Mes ruines sur tes décombres, sur l'album Mes ruines sur tes décombres. Et on vient d'entendre Soccer Mommy avec Cool sur l'album Clean en numéro 1 anglophone. Donc voilà pour les numéros 1 de cette semaine. Ça veut dire que Hubert Lenoir et Hot ne sont plus en première place. J'ai eu des nouvelles de Mathieu Janvier qui s'en vient tantôt, dans un instant, dans quelques minutes, plus tard dans l'émission. Mais avant ça, on va pouvoir faire ta chronique à toi, Tania. Oui. On a le temps. Voici Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain. Hey, je suis donc bien excité de voir le mot chocolat dans ton sujet de chronique d'aujourd'hui. Ah ouais, tant que ça. Ouais, ouais, ben pour vrai. Mais ça dit chocolat, langage et accord. Oh oui, tu vas voir, Mathieu. Parce que, en fait, aujourd'hui, la chronique sur le chocolat prend 3 volets. Elle prend le volet goût, elle prend le volet langage et elle prend le volet accord. Vous allez comprendre au fur et à mesure que je vais vous parler, parce qu'en fait, je suis tombée sur un article qui dit que les goûts des Québécois en matière de chocolat commencent à changer beaucoup. Ah oui? Pourquoi? Bien bon, il y a quelques jours, c'était Pâques, hein? Vous l'aurez deviné et vous en rappelez probablement. Ben, en tout cas, ceux qui ont pris trop de chocolat s'en rappellent peut-être pas. Exactement. Écoute, je dois avouer que ça fait un bon nombre d'années que j'ai pas mangé de chocolat à Pâques, mais c'est quand même une dite tradition chez les Québécois que de se donner du chocolat à Pâques. Je t'ai mentionné que j'ai mangé des petits lapins durs en chocolat comme 3 fois dans les dernières semaines. Ouais. Faut que j'arrête, mais c'est trop bon. Donc, comme je le disais, le goût des chocolats, des Québécois pour le chocolat, c'est assez raffiné. Il y a quand même une espèce de nostalgie quand vient le temps de Pâques, mais c'est des cofondateurs du musée du chocolat de Bromont en Montérégie. On a ça au Québec. OK, oui. Wow. Monsieur Michel Bilodeau qui a réussi à observer cette information parce qu'auparavant, le grand favori des consommateurs québécois, c'était le fameux chocolat au lait. Et le classique plate. Exactement. Tranquillement, on cède notre place au chocolat noir. Oui. C'est moins calorique et ça a un haut pourcentage de cacao. Et c'est ce qu'on a réussi à observer au niveau du musée du chocolat de Bromont. On va laisser les Français être les plates avec leur sandwich jambon fromage. C'est ça, mais c'est comme un plat très populaire. C'est comme le sandwich numéro 1 qui a été déclassé récemment. C'est le sandwich jambon-beurre. OK. T'imagines comment c'est plate comme ben sandwich? Ben oui, hein, en effet. Yeah, on fait également un retour aux sources, en fait, du côté des Québécois dans l'industrie du chocolat avec l'émergence de l'amour pour la fève à tablette. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, c'est une tendance, en fait, qui relève tout simplement de la volonté de mieux manger, alors que toute la valeur du chocolat se retrouve dans le pourcentage du cacao. Alors, on va vraiment chercher les fèves de cacao directement, beaucoup plus qu'on va aller chercher maintenant du chocolat. Mais bon, je vous disais, nostalgie du temps de Pâques, les poules et les lapins en chocolat sont pas détrônés là, pour autant. Les animaux de la basse-cour demeurent quand même une source d'inspiration par excellence pour les moulages, surtout dans le temps de Pâques, il faut le dire. C'est pas les mêmes, c'est vrai. Exactement. C'est parce qu'on a un attachement, en fait, au niveau des Québécois pour cette pérennité-là, parce que ça fait vraiment rappel à ce qu'on faisait dans le temps. Donc, l'agriculture, on avait nos propres terres. Donc, le côté vraiment, là, petite poule, petit lapin en chocolat, c'est quelque chose qui devrait, en théorie, rester. Mais les chocolateries spécialisées sont de plus en plus nombreuses et on se fidélise à certains classiques. On décline parfois différemment. Là, on va ajouter, par exemple, une touche de couleur aux confections. Ça va donner un... Petit rouge. Exactement. Ça va donner, par exemple, un lapin de Pâques qui va être en chocolat noir, mais avec peut-être une saveur différente. Donc, on peut retrouver là, plusieurs types de chocolat, bien évidemment, et d'autres personnages beaucoup plus originaux qu'un lapin puis une poule. Mais il faut plutôt se tourner vers des épiceries si on veut garder le bon vieux classique du chocolat au lait. Parce que si on va vraiment dans des chocolateries qui vont être dites spécialisées, eh bien, la demande des Québécois est un petit peu plus raffinée depuis quelques années. On a bien évidemment aussi des goûts qui sont plus coûteux. Pourquoi? Bien, en fait, les Québécois sont prêts à un petit peu délier les espèces de cordons de leur bourse. course là, pour des sucreries qui vont être de plus grande qualité. Ouais, tu te gardes plus. Tant qu'à en acheter, t'en achètes moins, mais du meilleur. Tout à fait. De plus en plus, en fait, le chocolat qui va être commercialisé, c'est un peu comme le vin. On va parler s'il est court ou s'il est long en bouche. On va parler de sa robe. On va parler de chocolat qui vient de Ghana, de la Côte d'Ivoire, des Caraïbes. Donc, de ce côté-là, les gens sont vraiment prêts à mettre peut-être un ou deux ou trois ou même voire 5 $ de plus pour avoir quelque chose d'un peu plus de qualité qui va être beaucoup plus goûteux sans nécessairement que ce soit en plus grande dose. Okay, oui. C'est ça qui est important à comprendre, c'est qu'on ne veut pas nécessairement aller chercher la quantité, on veut vraiment aller chercher la qualité. Le savourer, le laisser fondre. Exactement. Mmh. Et si on compare par exemple Pâques à un autre moment qui est très très in dans l'année au niveau du chocolat, c'est la Saint-Valentin. Oui. Et c'est un moment fort pour les chocolatiers. Donc, ça permet d'enregistrer près de 40 % de leur chiffre d'affaires annuel avec ces deux fêtes-là. Et si on se rend compte, justement, que les Québécois sont portés un petit peu plus vers le côté là, raffiné mm-hmm. du chocolat, eh bien, à ce moment-là, ces deux grandes fêtes-là deviennent vraiment un moment clé dans l'année pour les chocolatiers. Et à la chocolaterie du musée, je le répète, c'est du côté de Bromont, eh bien, la confection des friandises, ça va s'amorcer 3 mois d'avance pour justement produire pas moins de 10 tonnes de chocolat qui vont être capables de réjouir, bien évidemment, des centaines et des centaines de Québécois. Ça met l'eau à la bouche. Exactement, on doit s'y prendre d'avance. Alors, quand on réalise qu'il y a une observation qui est faite au niveau des goûts des Québécois, eh bien, on doit vraiment le prédire, tout simplement, et y aller en matière de ce que les Québécois vont vouloir adopter au niveau de la fête. Par la suite, je vous ai dit que le deuxième volet de cette chronique allait être le langage. Pourquoi est-ce qu'on parle de langage pour décrire un chocolat, surtout si on regarde la platitude d'un chocolat au lait? Bien, il y a une nouvelle formation qui est à l'analyse sensorielle du chocolat qui a été proposée par la Haute École de sciences appliquées de Wandenswil. Ça se passe du côté de l'Europe, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une jeune femme qui aime marier les notes fruitées et florales. Je savais que ça allait venir à dépasser le goût. Exactement. Qui est ingénieure en technologie alimentaire, qui est analyste sensorielle et attention, elle est spécialiste du cacao et du café. C'est Mme Karine Châtelain qui a mis sur pied une initiation. C'est-à-dire que du côté de l'Allemagne, on a fait une initiation au côté de la dégustation du chocolat. Il y a 10 premiers étudiants qui ont obtenu leur diplôme et il y en a d'autres qui vont faire leur cours pour devenir justement spécialistes sensoriels et goût au niveau du chocolat. C'est un diplôme mangeable. Non, je suis désolée. Mais bien évidemment, ce sont 8 modèles d'une demi-journée chacun au cours desquels on va justement déguster plus d'une centaine de chocolats et le cours est destiné en priorité aux responsables de la qualité et de l'innovation de l'industrie chocolatière mondiale, mais on peut y aller aussi au niveau privé. Donc, si jamais vous avez l'argent et l'intérêt d'aller faire un petit cours de chocolaterie en Europe, eh bien, sachez que vous pouvez très bien le faire. En fait, on va aller acquérir un langage commun qui va être basé sur des critères très objectifs pour décrire un chocolat. On va commencer par les bases de l'analyse sensorielle qui est appliquée au cacao. Donc, on va rechercher l'amer, l'acide, le sucré ou le salé. Et puis, on fait un parcours aromatique. Quels sont les arômes qu'on découvre dans ce chocolat-là? Est-ce qu'on peut avoir des notes qui vont être torréfiées, des fruits secs, des fruits floraux? Est-ce que ça va être quelque chose de fruité? Est-ce que ça va être quelque chose d'épicé? Ou encore, pour un chocolat au lait, est-ce que ça va être caramel ou vanille? Tu sais, on joue vraiment dans ces eaux-là. Par la suite, on va appliquer ce qu'on retrouve dans des critères dans le chocolat à en mesurer l'intensité. Comme on goûte généralement entre 10 et 20 chocolats par demi-journée quand on fait ce cours-là, eh bien, on va cracher, comme pour le vin, afin de justement éviter de se fatiguer les papilles. Ouais. Parce que si on déguste justement différentes sortes de chocolat, bien à un certain moment, nos papilles seront plus nécessairement capables de faire la différence. Pareil comme pour le vin. Donc, c'est comme une dégustation de vin, mais au niveau du chocolat. Et il y a un module aussi qui est consacré aux textures et aux interactions entre le chocolat et la perception des goûts et des arômes. Donc, en gros, on analyse le cacao comme le vin. C'est génial. La Suisse, qui est le pays du chocolat, avait une espèce de retard à combler dans ce domaine-là. Et là, c'est chose faite. Donc, c'est un phénomène assez récent. Ça date d'il y a quelques années seulement, et là, je vous parle même pas en dizaines d'années, je vous parle là en 5 ans, mettons. Ils ont été formés à l'analyse sensorielle du cacao depuis quelques années, et la Haute École des sciences appliquées en Allemagne a une tradition pour ce qui est du vin, c'est-à-dire le cours d'analyse sensorielle de l'huile d'olive, du pain et du café. Ça s'est ajouté à tout ça, et on crée vraiment là un cours pour ceux qui veulent en découvrir beaucoup plus. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on déguste un chocolat si on y va du côté raffiné? Puis là, je parle, puis j'arrête pas de saluer. Je sais, je pensais qu'à ça. Mais c'est vraiment pareil comme le vin, mesdames, messieurs. On va commencer par l'aspect visuel. Donc, la couleur doit être franche. On doit avoir une belle brillance et on peut donner une indication quant à la provenance. Par la suite, on va passer aux arômes. La texture va jouer un rôle. Si, par exemple, la première bouchée est dure ou si elle fond immédiatement, l'impression qu'on va avoir versus une autre, c'est quelque chose qui est important. Par la suite, est-ce que le chocolat est harmonieux? Est-ce que le chocolat est rond? Est-ce qu'il est complexe? On va vraiment y aller là, dans un langage quasiment comme le vin. On va parler d'arrière-goût aussi. Est-ce que la longueur en bouche va contribuer à une impression qui va être générale ou à une impression qui va être quand même assez dure? C'est quelque chose qui va procéder de façon peut-être différente du vin ou de l'huile d'olive, mais les méthodes sont comparables. Le vocabulaire est extrêmement proche et la systématique est la même. Donc, à partir de là, les ceux qui vont vouloir développer, par exemple, leur propre méthode vont pouvoir le faire. Et ceux qui vont vouloir vraiment se concentrer sur l'art du chocolat vont aussi pouvoir y aller avec un langage qui va être bien défini, mais qui va ressembler au vin. Qu'est-ce qui fait un bon chocolat? Bien, on pourrait dire que c'est d'abord l'absence de défauts et de faux goûts. Mais aussi, il faut parler de l'équilibre, de la complexité et de la longueur en bouche. Donc, on y va vraiment là, dans les mêmes titres qu'on irait, par exemple, avec un rouge qui serait très corsé. On va avoir des préférences individuelles, bien évidemment. Pareil comme pour le vin, pareil comme pour les alcools. Mais contrairement à l'alcool, personne n'aime le chocolat blanc. Ça dépend, il y a des gens qui aiment le chocolat blanc. Oui, mais une fois par année. Ouais, donc il y a des perceptions quand même de différence. Si on regarde par exemple les Suisses, comment est-ce qu'ils vont aimer leur chocolat versus les Allemands? Est-ce que ça va être la même chose du côté des États-Unis ou encore du côté du Canada? Les chocolatiers ont une façon différente aussi d'aborder leur chocolat. Donc à cette façon-là, ce qui va être vraiment, vraiment plaisant, c'est que ça va être d'apprécier toutes les régions, mais les avantages aussi de ces régions-là dans la confection du chocolat en tant que tel. Le consommateur est à la recherche de forts pourcentages de cacao de plus en plus. C'est-à-dire qu'on va chercher 70 % de cacao et plus dans le marché du chocolat. C'est pas si pire, 70 %. Exactement. Encore. Mais on va essayer d'y aller aussi pour des origines qui vont être pures, des textures qui vont être nouvelles. Et les gens, ce qu'il faut comprendre, c'est que les consommateurs sont de plus en plus informés. Ouais. On est de plus en plus curieux et on se soucie davantage de produits biologiques et de commerce équitable. Le chocolat, ça va pas faire défaut à tout ça. On va vraiment rester dans la même lignée et ça se dessine très, très bien pour le moment pour ce qui est de tout ce qui est raffiné, comme je le disais tout à l'heure. Même ici, au Québec, on voit de plus en plus des amateurs en forte teneur en cacao. Il y en a qui aiment varier, bien évidemment, les plaisirs et découvrir de nouveaux profils aromatiques. Mais la finesse et l'équilibre du chocolat, c'est quelque chose qui est maintenant demandé en chocolaterie. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez drôle. Ouais. Est-ce que tu penses que ça a un lien? Il me semble que je vois un lien avec la fameuse chaîne canadienne Chocolat Favori. Ah, bien écoute, c'est sûr que ça, c'est par-dessus de la crème glacée. C'est sûr qu'ils ont des... Mais ils ont une chocolaterie aussi. Oui, ils ont une chocolaterie. J'ai jamais testé leur chocolat. Mais oui, c'est sûr et certain. Ici, au niveau du Québec, je pense pas nécessairement que ce soit ça qui est mis sur la map, quoi que ce soit. Mais je pense que c'est... Pardon, je pense que c'est vraiment le goût. La différence de goût. On est beaucoup plus raffiné dans ce qu'on boit. On est beaucoup plus raffiné dans ce qu'on mange. Donc, considérant le fait qu'on aimerait peut-être avoir une sucrerie qui va être raffinée aussi, je pense que c'est la lignée des choses qui nous amène à en demander peut-être un peu plus et à vouloir aussi peut-être débourser un peu plus. Est-ce qu'on est capable de marier chocolat et boisson? Hey, je voulais tellement te demander ça. Ça fit ensemble, moi, je trouve, du vin et du chocolat, mettons. Eh bien, vin, thé, whisky, il y a vraiment de nombreuses combinaisons qui sont possibles. C'est deux univers quand même qu'on connaît bien, le chocolat et le café. Je pense que la plupart des gens, on peut décider en fait de viser l'équilibre là, à ce niveau-là, parce que c'est quelque chose qui se complète bien. Souvent, quand on va avoir un dessert chocolaté, on va y aller avec un café. Bon, ce qu'on veut chercher dans un accord chocolat-boisson, c'est l'équilibre ou encore la confrontation. OK, donc de la bière, ça pourrait fitter. C'est amer pour la bière, mettons, et sucré pour le chocolat. Moi, j'aurais pas vu de match à faire avec ça. Bien, par exemple, on peut associer un expresso fort et amer à un chocolat qui va être puissant, qui va être fort en amertume. Hein? Ou au contraire, boire un café éthiopien ou encore kenyan, et on va l'associer avec une belle acidité qui va contraster avec les notes fruitées ou encore florales d'un chocolat d'origine d'Équateur. Il y a des conseils pour éviter l'indigestion de mauvais chocolat. Sachez-le, question qualité. Les consommateurs, on veut quand même être à la guet de tout ça. Donc, c'est une question de quantité. Le chocolat consommé en quantité raisonnable, ça a beaucoup de vertus pour la santé. Hein? Et du fait de sa forte teneur en polyphénol ou en antioxydants notamment. Donc, le conseil, c'est d'en manger moins, mais d'y aller du côté qualité vraiment beaucoup plus. Tu parlais de vin, tu parlais, est-ce que ça se fait vraiment marier vin et chocolat? Oui, je te dis que oui. De manière générale, plus un chocolat va être sucré, plus le vin qui l'accompagne doit être doux. Ah, OK. Voire même liquoreux, OK? Donc, on va essayer d'y aller, par exemple, si on prend un chocolat au lait, bien, on va s'accorder de façon beaucoup plus raisonnable avec un vin qui va être doux, liquoreux, tandis que le chocolat noir va se marier préférablement avec un vin rouge. J'avais entendu un Porto aussi, ça pouvait aller avec du chocolat. Ben oui, tout à fait. Ça va avec tout du Porto, hein? Donc, plus précisément, un vin rouge qui va être jeune, qui va avoir un tanin quand même assez léger, qui va être marqué par le fruit, va être parfait avec un chocolat mi-amer ou amer, qui va être parfumé de fruits rouges. On veut vraiment là, une complexité, pas une complexité, mais on veut une complicité au niveau du chocolat et au niveau de ce qu'on boit. On veut pas que ça clash trop, hein, on s'entend. Avec les rouges qui vont être beaucoup plus âgés, c'est-à-dire un vin qui va peut-être être beaucoup plus aromatique, qui va être plus charnu aussi souvent, eh bien, on va y aller avec un chocolat qui va être extra amer ou qui va être aromatisé, par exemple, au café, aux fèves de cacao. Et ça va convenir très, très bien parce qu'au niveau de la complicité, c'est quelque chose qui va s'emboîter de façon extrêmement facile. Pour les vins blancs, est-ce qu'on peut l'accorder avec du chocolat? Je sais pas, hein? Le mieux, en fait, c'est de se baser sur les arômes du chocolat afin de combiner avec les touches qui vont être prédominantes du vin. Par exemple, si on y va avec un vin agrumé, bon, on va y aller avec un chocolat qui va être agrumé aussi. Ah, okay. Si on y va avec un vin blanc qui va être quand même un peu épicé, bien, on va y aller avec un chocolat qui va être épicé donc aussi. Donc, à la place de faire un complément, on y va avec deux choses pareilles ensemble. C'est ça, okay. Exactement. Surtout pour les vins blancs. Le vin rouge, c'est vraiment quelque chose où on se dit, là, ça va vraiment y aller de façon complice. Tandis que le vin blanc, c'est plus d'y aller au goût. Souvent, là, les pastilles de goût ou encore à l'arrière de votre bouteille de vin, ça va vous dire quels sont les fruits qui ont été utilisés. Ouais. C'est sûr que si vous prenez un chocolat au piment fort, mettons. C'est ça, on s'entend. Hein? Souvent, dans les vins blancs, on va retrouver des extraits de fleurs, tout ce qui est floral. Eh bien, à ce niveau-là, on va y aller avec un chocolat qui va être pas trop amer, mais qui va avoir des essences florales. Si on y va avec des vins de glace, est-ce que c'est quelque chose qui suit encore la donne? Eh bien, pour ces types de vins-là, un chocolat au lait à haute teneur en cacao, ça va très bien. Donc, si on veut y aller avec un vin qui va être quand même assez sucré, eh bien, on va y aller avec un chocolat qui va être mi-amer. Parce qu'on veut pas que ça soit trop sucré non plus. Donc, on veut quand même qu'il y ait quelque chose de présent. Et il y a une nouvelle tendance, Mathieu, qui est champagne et chocolat. Oh, Colin, que c'est le fun! C'est un mariage qui est quand même assez risqué. Mais c'est un mariage qui est subtil. Plaisant. C'est très plaisant en bouche, bien évidemment. Parce que l'un est acide et l'autre est amer. Mmh. Donc là, on n'y va pas dans la complicité. On y va vraiment dans l'opposé. Les contrastes. Exactement. Dans la contrastité. Dans les contrastes. Donc, les deux ont longtemps été entretenus des liaisons qui étaient quand même assez dangereuses. Parce que souvent, on disait, bon, c'est pas tant sûr. Chocolat, champagne, va donner le mal d'estomac, sait pas. Mais si on y va avec la faveur d'une palette aromatique qui va être quand même assez élargie, le champagne se marie désormais au chocolat dans une rencontre gustative qui est quand même assez osée, mais qui s'invite au dessert dans certains grands restaurants. Donc, on a osé ça dans certaines places. Il y a 10 ans, par exemple, on disait le champagne sur le chocolat, même pas, on n'y pense pas. Ben voyons donc. Tu sais, c'est non. Tu veux ta fraise, enlève le chocolat, mange ta fraise, puis bois le champagne, mais tu sais... On dit tout ça au restaurant, tu dis, hey, je peux-tu prendre ta fraise? Mais il y a certaines personnes qui reconnaissent en fait que l'accord est moins évident que du sucré sur l'iode, par exemple, mais c'est d'apprécier cette association qui est très peu courante à des clients qui vont souvent être surpris. Donc, on peut déguster un repas accompagné exclusivement de champagne dans certains restaurants, et par la suite, le dessert va être un morceau de chocolat qui va être quand même assez raffiné. Mais un complément, donc tu prendras pas une barre aéro avec des bulles dedans. Non, c'est ça, on s'entend. C'est parce que le chocolat, en fait, le champagne va dominer souvent le goût du chocolat et celui-ci va s'éteindre. Donc, si le chocolat est imprégné trop au palais, ça va neutraliser les notes du champagne. C'est vraiment quelque chose qu'on doit y aller au niveau de l'équilibre. On doit, par exemple, prendre une bouchée de chocolat sans la mettre au palais immédiatement et par la suite boire une gorgée de champagne pour que les deux puissent s'harmoniser. Voilà, merci. Et bien évidemment, en faisant ça, on sort des codes traditionnels, on s'entend. Le défi est de relever plus facilement parce qu'on a une palette aromatique qui est maintenant en champagne. On a des artisans qui travaillent très bien, qui proposent des goûts qui sont très différents. Ça ouvre de nouveaux horizons gustatifs, en fait. Et c'est pas nécessairement quelque chose à laquelle on avait toujours pensé. C'est une diversité qui est grandissante. Les gens aiment de plus en plus le champagne ou les bulles, parce que quand on parle de champagne, c'est vraiment celui qui vient de Champagne. Oui. Donc, on parle de mousseux et chocolat. Donc, on va y aller avec des typicités là, aux assemblages qui vont sortir un petit peu de l'ordinaire du gastronomique. Mais du côté du chocolat, souvent, on peut y aller avec l'acidité aussi. Donc, si on regarde notre champagne, s'il est sec, si c'est quelque chose qui est acide, il y a des vieux champagnes qui sont sur la rondeur aussi, qui vont être beaucoup plus gras. Donc, on se doit, en fait, si on veut harmoniser chocolat et champagne, regarder, bien évidemment, comment est conçu notre champagne avant de choisir le chocolat qui va l'accompagner ou vice-versa. Si on regarde certains artisans chocolatiers qui ont élaboré un chocolat noir particulier, bien, on va y aller avec une pointe de piment. Spécialement pour accompagner un champagne qui va être rosé et le champagne qu'on veut accompagner avec ce chocolat-là. C'est un champagne rosé de 2012 qui est issu des caves de la marque rémoise Castelnau. Oh. Donc, c'est précis. On a créé le chocolat en fonction du champagne parce qu'on voulait sortir des codes traditionnels du champagne et faire quelque chose que les autres ne veulent pas nécessairement faire. Ça s'est passé du côté de l'Europe, mais c'est une association qui est quand même assez inédite. Initialement, ça a été mis au point pour la Saint-Valentin, mais qui n'est pas encore commercialisé à la pleine grandeur. Donc, ça nécessite de respecter quand même la marche à suivre pour savoir quel goût aller chercher. D'abord, est-ce qu'on va y aller avec des arômes qui vont être fruités? Puis par la suite, on va y aller dans un univers épicé. L'accord champagne-chocolat, ça demeure risqué parce que ça demande vraiment d'avoir des sensations en bouche. Ça demande de connaître bien ses papilles gustatives et ça demande aussi de bien connaître ses goûts en termes de champagne et en termes de chocolat. Si on parle aux épicuriens, par exemple, bien, il y a des artisans chocolatiers qui précisent qu'ils fonctionnent quand on prend le temps et quand on goûte réellement ce qu'on consomme. Donc, le moment où on va déguster un chocolat avec un champagne ou avec un mousseux, c'est pas nécessairement comme autour d'une table avec beaucoup d'amis. C'est un moment qui va être précis. C'est un moment où on doit quasiment se concentrer sur l'expérience gustative qu'on s'apprête à vivre. Et bien évidemment, je pense que la plupart des gens le savent, là, il y a des liqueurs qui se marient très, très bien aussi au chocolat. Tout à l'heure, je parlais de whisky. Et bien évidemment, le whisky, parfois, ça peut être assez sucré ou ça peut être assez terreux aussi. Donc, encore une fois, on va y aller dans les effluves. Donc, ce que le whisky va avoir comme type d'odeur, ce qu'il va avoir comme type d'arôme aussi. Et on va essayer de venir complémenter oui, de misère complémenter, avec ça aujourd'hui. Ouais, hein? Faire un complément. Faire un complément au niveau du goût du chocolat et des arômes du chocolat. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est un petit peu pareil comme le vin, en fait, au niveau de l'accord du whisky. Mais si vous êtes vraiment audacieux, vous pouvez y aller dans le contraste. Quasiment vous aventurer comme le champagne, mais allez-y pas dans un chocolat qui va être trop sucré, parce que le whisky, c'est quand même un alcool fort. Donc, on veut pas nécessairement que ça soit un gros clash. Mais si, par exemple, vous y allez dans un chocolat qui va être épicé, bien probablement que ça peut très bien venir ressortir le goût de votre whisky, tout dépendant les arômes qu'il y a à l'intérieur. Hey, c'est-tu le fun de parler de ça? C'est merveilleux. Hey, hein? Le chocolat, on aime là, ça. J'adore ça. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Génial, chronique. Tania is gonna entertain ya. On prend une pause. Dans quelques minutes, dans une quinzaine, je dirais, Mathieu Janvier va être là pour sa chronique Jeux à gogo. Restez là. buffalo chains sing. Bing, bang, the rattling door ring. Won't be back again. Won't be back, my friend. Bing, bang, the battle in your brain. Bing, bang, the links in your chain. Dust to dust again. I'll be back, my friend. People always talk in circles. Assemblage requis en ce jeudi 5 avril 2018. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Mmh. Dans quelques minutes, comme je l'ai dit tantôt, Mathieu Janvier va être avec nous pour sa chronique Jeux à gogo. On va encore une fois parler de jeux de société et de jeux de table avec lui. On a beaucoup de plaisir à faire ça. Mais avant ça, on va continuer le plaisir. Hein. Aujourd'hui, ça se lance de tous les côtés. C'est les fou. Chroniqueurs, les invités, bam, bam, bam. Et on a Julie Delefosse qui est avec nous, qui est stagiaire à la Galerie R3. C'est bien ça ton titre, hein? Oui, c'est ça, stagiaire. Exactement. Galerie R3 qu'on connaît, nos amis, on les invite souvent à l'émission. Et là, c'est la première fois qu'on te reçoit. Donc, bienvenue à toi. Bienvenue. Dans nos studios. Elle était là pour parler, en fait, de Transparence et Transparaître, volet 1 2018, qui a lieu. C'est un colloque international organisé par le groupe URAV de l'UQTR en partenariat avec le Centre de recherche en art et esthétique. Ça a l'air compliqué dit comme ça, mais on va essayer de décortiquer tout ça, un petit peu Transparence et Transparaître. Pour commencer, pourquoi pas, juste voir en gros le résumé de la chose. Qu'est-ce que c'est, ça? Alors effectivement, un colloque, on ne sait pas forcément ce que c'est un débat entre plusieurs personnes autour d'une idée ou d'un thème. Mm-hmm. Ici, c'est transparent ou transparaître. On dit que c'est un colloque international car effectivement, il y a 3 nationalités présentes, canadienne forcément, française et américaine avec une artiste new-yorkaise. Ok. Ouh. C'est beaucoup de monde, hein. il y a comme 20 conférenciers et artistes invités. Plus de 20 conférenciers et artistes, effectivement. Et qu'est-ce que ces gens-là vont venir apporter? De quel domaine viennent-ils? Alors, c'est totalement diversifié. On a des philosophes, des esthéticiens, on a des artistes. Et ils vont vraiment se centrer autour de ce débat. Mmh. Du coup, en fait, ça se déroule autour d'expositions. Il y a le vernissage le 8 avril, il y a le colloque le 9 et le 10, donc qui abrite des conférences, mais pas que. Il y a toute une programmation qui est disponible sur la page Facebook, par exemple. Et ça, il y a une soirée de clôture le mardi soir avec des performances. Des performances de quel genre? Alors, je vois The Two Gullivers et le Gip Duo AZ, quelque chose comme ça. Alors en fait, donc mardi soir à partir de 17h au local 10-12 Néré Beauchemin, donc on a Two Gullivers, donc c'est Futura, Preka et Besnik Axillary, donc, et un groupe d'intervention performative qui vont nous présenter la performance cabaret. Ok. Et pour les œuvres qui vont être présentées, en fait, je vois qu'il va y avoir toutes sortes d'œuvres, des œuvres holographiques en lumière immersive. Tout ça va être présenté à la Galerie d'art R3. Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu peux nous donner une petite envie de s'y présenter? Ouais. Alors actuellement, j'ai vu seulement l'œuvre d'Akiko Sasaki qui s'appelle Entre lumière et matière. C'est une installation lumineuse. Elle est vraiment très impressionnante. C'est magnifique. Ça vaut vraiment le coup d'aller voir. Et on est en train de monter actuellement. L'installation holographique de Martina Monavius Et on aura l'occasion aussi d'avoir sur les murs projetés le voyage transparent de The Two Gullivers. Sur les beaux murs blancs de la galerie R3, c'est ça. Oui, mais il n'y a pas juste la galerie R3 qui va exposer, si j'ai bien compris. Effectivement, donc en fait, il y a la galerie R3, il y a l'atelier Silex, donc, qui est décomposé du 7 au 14 avril avec une œuvre de Lorraine Beaulieu. Mm-hmm. Qui est la chef de la galerie R3. Elle est coordinatrice de la galerie R3, voilà. Donc à l'UQTR. Elle nous présente Livestream Flux Vital, c'est une installation sonore et lumineuse. Il y aura aussi une œuvre de Guylaine Champoux qui s'appelle In Between, c'est une installation vidéographique, ça vaut vraiment le coup d'aller voir. Et il y a aussi la galerie d'art du parc, donc, qui a deux volets d'exposition, une du 8 au 22 avril, avec Charlotte Beaufort, qui est une Française. Oh. Elle présente Transparent Walls, série Diaphany, c'est une installation. Et Philippe Buissonnet, qui est professeur à l'UQTR, qui nous présente Persicéré. Excusez-moi, franchement, l'accent français quand on parle anglais, c'est horrible. C'est une sculpture holographique, donc c'est vraiment innovant, c'est vraiment intéressant. Et le deuxième volet, c'est du 8 avril au 27 mai, où on peut voir une œuvre de Guylaine Vapereau, Négocier le réel, qui est une sculpture et une installation. Et l'œuvre de Louise Paillet, qui s'appelle Naître, Transparaître, Disparaître, et qui est aussi une installation. Oh. Il y a toujours un lien avec la transparence ou transparaître, donc j'imagine que c'est pour ça c'est le ça, c'est mot, le fil conducteur donc, du colloque et des expositions. Est-ce qu'il y a un message derrière ça? Est-ce qu'on a choisi ça pour une raison? Alors ça c'est une bonne question, ouais. Je ne sais pas en fait comment on choisit le thème, mais c'est que c'est quelque chose d'actuel, de très intéressant, et c'est un débat en continu parce qu'au final le transparent et le transparaître, on ne peut pas avoir un débat fini dessus, c'est toujours ouvert. Absolument. Donc on va rappeler l'ordre des choses un petit peu, il y a trois vernissages. Ce dimanche, 8 avril. Effectivement, il y a un vernissage à 14h à la Galerie d'art du parc. Il y en a un à 15h à l'atelier Silex. Et pour finir, à 17h à la Galerie R3. Mm-hmm. Et après ça, il y a des conférences qui, elles, commencent lundi. C'est en fait lundi et mardi. Les conférences de plein de monde. On a dit tantôt une vingtaine de conférenciers qui viennent de partout dans le monde, des artistes invités. Ça fonctionne comment pour... est-ce qu'on fait juste se présenter? Est-ce qu'il faut s'inscrire à l'avance? Ouais. Non, il faut juste se présenter. Il y a 7 conférences lundi 9 avril et 7 conférences mardi 10 avril. Et la programmation donc, est disponible sur Facebook. Mm-hmm. Et il faut juste se présenter. Ça se passe souvent à la galerie R3 et... Et aux autres endroits qu'on a mentionnés aussi tantôt, mais principalement la galerie R3 parce que c'est juste à côté. Tout à fait. Pas vraiment d'excuses de pas y aller. qu'est-ce qu'on cherche sur Facebook si on veut plus d'informations? Tu disais d'aller voir la page Facebook pour le colloque international Transparence. C'est ça, il y a juste à taper galerie R3 et on peut trouver la page et... En ce moment, c'est moi qui publie des informations. C'est ça que tu sers. Ah oui, parce que là, tu es stagiaire. Effectivement, je suis stagiaire. Tu débarques directement de France? En fait, c'est plus compliqué que ça. Okay. Ouais. Ma troisième année de baccalauréat, on échange en art visuel avec l'Université de Trois-Rivières et l'Université Bordeaux-Montaigne. Et là, je suis en maîtrise à l'Université de La Rochelle. Okay. Et dans le cadre de ma maîtrise, on m'a proposé un stage. Et moi, j'ai tout de suite voulu revenir ici. Ouais? Oui. Ah. Oh, pour vrai, qu'est-ce qui t'a attiré au Québec? Le froid. Pas le mois d'avril, en tout cas. Non, mais vous avez dû le voir pendant l'hiver, le français et la neige, c'est pas ça. Mais effectivement, en fait, c'est vraiment j'appellerais ça la chaleur québécoise, la culture et l'ambiance. C'est vraiment un pays qui a beaucoup à offrir. Ben, merci beaucoup. C'est parfait, ouais. Moi, j'aurais répondu le sirop d'érable. Ouais, bon, c'est ça, mais... Tu veux y aller avec la chaleur. Ah, mais est-ce que t'as été à la cabane à sucre? Ah, j'ai été à la cabane à sucre et j'attends impatiemment d'y retourner, là. Oui, c'est ça. Tania, elle aime pas les grosses crêpes épaisses. Non, je suis désolée. C'est la meilleure. Je suis pas une fan des cabanes à sucre. Bref, transparence, transparaître, volet 1 2018, j'imagine, volet 1 de plusieurs. Donc, on suivra ça dans prochains mois, années et plus. On rappelle que ça commence... en fait, la première chose à remarquer, c'est le 8 avril pour les vernissages, donc ce dimanche, et ensuite lundi et mardi pour les conférences. Et merci beaucoup, Julie Delefosse. Merci à vous. Stagiaire à la Galerie R3, très apprécié. Tu reviens quand tu veux, bien sûr. Il nous reste encore quelques semaines à la session, quand même. Dans quelques instants, je me répète sans cesse, mais là, ça va finir par arriver. Nos souhaits seront exaucés. Mathieu Janvier sera là pour la chronique Jeux à gogo. Mais avant, on écoute Matty Leon. Voici Signal Hill. Thank you. the Atlantic, pointing west to where I will see the sun that will rise over Signal Hill. Grace and grace alone. Hold me now, believe I never will. Sure as the sun that will rise over Signal Hill. Thank you. Ponctuation avec la pièce Exil, assemblage requis. Maintenant, on continue l'émission et on est très, très, très heureux d'avoir Mathieu Janvier. Mm-hmm. Mathieu qui est là pour sa chronique Jeux à gogo. Et encore une fois, aujourd'hui, on a tellement de choses à faire. Mais pour commencer, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va, toi? Oui, ça va bien. Oui, t'as fini par te rendre, finalement? Oui, hey, je suis vraiment désolé. Mais non, mais je suis là. C'est pas un problème du tout. Donc, Jeux à gogo, c'est la chronique où on parle de jeux de société, de jeux de table, de tout ce qui est jeux pour s'amuser entre amis, en famille, en party. Est-ce qu'on a une thématique aujourd'hui? Ben, on va continuer ce qu'on avait commencé la semaine passée. Donc, on avait parlé des différentes catégories de jeux. Mm-hmm. On en a vu quand même beaucoup. Mais aujourd'hui, on va aborder vraiment les jeux de stratégie. Okay. Donc, il y a différents niveaux. Je l'avais peut-être brièvement mentionné. Un petit peu, ouais, stratégie légère, stratégie moyenne, stratégie lourde. Ce qu'on entend par poids, c'est le niveau de complexité du jeu. Mais on va parler souvent par rapport au poids du jeu. Ouais. Pas le poids de la boîte. Ben, souvent, ça s'accompagne. Là. Okay, un jeu très lourd, ben, il y a souvent beaucoup de matériel, donc beaucoup de règles. Est-ce qu'il y a un livre, des fois, qui peut venir avec pour les jeux plus lourds? Oui. Ouais, hein? Oui, oui. Mais ça dépend vraiment du jeu. Là. Est-ce qu'il y a des jeux poids-plume? Oui. C'est que t'amènes dans l'auto puis tu peux jouer. Hein? Oui, il y a des jeux, ça c'est vrai, j'en ai pas parlé, ce qu'ils appellent les micro-jeux. Micro-jeux? Oui, ça va être des jeux qui consistent de quelques cartes ou quelques pions, ça dépend. Un bon exemple, c'est Love Letter, c'est un des plus populaires. Okay. C'est un petit jeu d'identité, un peu de bluff, identité mm-hmm. cachée, mais c'est juste 16 cartes le jeu puis quelques cubes pour les points. Sinon, un jeu de stratégie vraiment simple, poids-plume, ça pourrait être jouer au tic-tac-toe. Ben oui, aussi. Oui. C'est de la stratégie. Tant que t'as un papier puis un crayon. C'est ça. Ouais. Puis là-dessus, parlant de tic-tac-toe, il y a un nouveau jeu qui est sorti qui s'appelle Pocket Ops. Fait que si vous aimez beaucoup le tic-tac-toe, mais vous voudriez plus de stratégie, ouais. Là, ça peut être... Ou même de la stratégie. Ouais, c'est ça. Ça peut être, un bon choix. Là. Il est vraiment sympathique. Là. Je ne l'ai pas. Ops. Là. Ouais, c'est tout nouveau. Là. Je ne l'ai pas avec moi, mais... Intéressant. Il est intéressant. Donc, on va commencer avec les jeux de stratégie légère. Donc, mm-hmm. qu'est-ce que j'entends par stratégie légère? C'est que il va avoir un mécanisme central, peut-être deux, mais pas ben plus, rarement okay. plus. Donc, le jeu reste somme toute simple. C'est dans cette catégorie-là, on l'avait abordé dans les jeux de famille. On est quand même dans ce groupe-là, dans les jeux de famille, jeux entre amis. On se casse pas la tête, on peut jouer, on peut jaser. C'est assez simple pour qu'on puisse en profiter. Pour qu'on se perde pas en chemin, là, qu'on se rappelle où on était rendu. Non, c'est ça. Puis nos tours sont jamais très longs. Ouais. On n'a pas tant à réfléchir. T'sais, on a des choix à faire. C'est pour ça qu'il y a de la stratégie. Mais ça roule bien. Ça roule vite. C'est ce qui fait que c'est des jeux d'habituellement d'une heure ou moins. 45 minutes, une heure. J'en ai pas ici pour vous montrer, mais on avait déjà parlé d'Aventurier du Rail. Là, je l'ai mentionné mm-hmm. plusieurs fois. Il y a aussi Century, la route des épices. Qui, je sais pas si je n'avais parlé, non, là, j'oublie non, d'une semaine à l'autre si de qu'est-ce que j'ai parlé. Là, moi, j'en parle donc. À tous les jours. Tu sais. Dans Century, on va commencer avec une main de deux cartes. On va pouvoir jouer ces cartes-là à notre tour, mais une fois qu'elle est jouée, elle reste sur la table. Donc, à mon tour, je peux aussi choisir de reprendre mes cartes en main pour pouvoir les rejouer plus tard. Et avec ces cartes-là, quand je les joue, je vais pouvoir récupérer des épices de différents types. Il y a des épices, il y a, mettons, du safran, du cumin, là, je sais pas les types d'épices par cœur. Au bout du compte, c'est des cubes rouges, des cubes jaunes, des cubes verts, des cubes bruns. Ah, qui sont pas, c'est pas, il y a pas de la poudre, là. Non, non. Non, c'est ça. Ça serait difficile à ramasser. Quand ouais, même. C'est ça. Ça ferait beaucoup de petits grains. Ouais. Oui, donc. Saliage. Ouais. Non, c'est vraiment juste des petits cubes. Mais ce qu'on fait, c'est que ces cubes-là nous servent à acheter des cartes de points. OK. Mais les cubes, plus qu'ils ont de la valeur, mettons, le brun vaut plus que le rouge, ben. Plus que les points qu'on va pouvoir acquérir avec ces cubes-là sont meilleurs, il y en a plus. Donc, les cartes, quand on les joue, ben mettons, ça me donne des cubes jaunes. Mais là, une autre carte que je joue me permet d'améliorer mes cubes jaunes en cubes verts. Puis là, je peux changer mes cubes verts en cubes rouges et puis en cubes bruns. C'est vraiment comme de l'échange d'épices, là. Ouais, je vais tout manipuler ça. Puis il va y avoir aussi sur la table une série de cartes que je peux acheter pour qui va me donner des nouvelles capacités. Fait que, mettons, je prends une carte que ben, je peux changer deux cubes jaunes pour deux cubes verts. Ah, OK. Ben, tout à coup, c'est plus intéressant. Mm-hmm. Ou une nouvelle carte. Ah, ben, si tu donnes deux cubes jaunes, trois cubes verts, tu peux prendre deux bruns. Mais là, ça va être tout de manipuler ça tout au long de la partie. Et les autres aussi peuvent acheter les cartes. Fait que s'il y en a une qui m'intéresse, ben, faut que je me dépêche d'aller la chercher. Mm-hmm. Si vous voulez, vous pouvez jouer avec des bouillons de poulet, les cubes. Ben oui, pareil. Bouillons de bœuf. Exactement. Ouais, ouais. C'est la version maison. Ça, c'est ça. Ensuite, il y a Karuba, je pense que j'en avais parlé, on est dans la jungle. Non, je pense pense pas, non. Non, c'est dur de me rappeler pour moi lesquels j'avais parlé. On a toutes mis les photos sur la page Facebook. Là, oui. Ils sont toutes là, ceux dont je parle. Là. Donc, Caruba, on a chacun notre plateau. C'est comme une espèce de bingo. Fait que c'est vraiment intéressant. Justement, là, pour dire un jeu qu'on joue tout le temps. Là, il n'y a pas de temps mort. Là. Donc, on va chacun avoir notre plateau avec une jungle à explorer. On va avoir des aventuriers qui doivent rejoindre des temples. Il y a un joueur qui va piger un pion. Mm-hmm. Puis ce pion-là va avoir un petit chemin avec un numéro. Okay. Fait que, mettons, j'ai pigé le numéro 17. Fait que tout le monde va prendre dans ses jetons le numéro 17 et va le placer où il veut sur son plateau. Et une autre chose qu'on peut faire, au lieu de placer le chemin, c'est de défausser le jeton pour avancer un de nos aventuriers le long des chemins qu'on a créés. Okay. On essaie d'amener l'aventurier dans le temple le plus vite possible pour aller chercher des points. Mais le premier qui amène, mettons, l'aventurier jaune dans le temple jaune va ramasser un 5 points. Le deuxième qui arrive, ben, va ramasser juste 4 points. Fait que c'est vraiment une course pour se rendre dans les temples. Ça ressemble un petit peu à... C'est quoi le jeu avec le dé dans une boule de plastique? Là? Ah mon Dieu! Trouble? Ouais. Ça ressemble un petit peu à ça, mais en plus évolué. Mais là, genre. Tu crées toi-même tes parcours. Ouais, c'est cool. Tu vas avoir tout plein de chemins qui se croisent. Tu essaies d'être le plus efficace pour que tout... Tu sais qu'en mettant une tuile, tout le monde passe par là. Ah, c'est plus intéressant. Cool. Parce que tu fais plus de mouvements. Ça, c'est vraiment bon. Il y a Takenoko aussi, qui est un jeu de panda. Donc, okay. Le thème, c'est que l'empereur de Chine a donné un panda à l'empereur du Japon. Okay. Puis là, l'empereur du Japon nous a donné la tâche, nous, pauvres jardiniers, de s'occuper du panda, de lui construire un jardin, de faire pousser du bambou pour le panda. Donc, est-ce que ce jeu-là, tu joues pour un bambou de temps? Un bambou de temps? Non, c'est quand même cool. Ah, c'est 45 minutes, une heure. Ah, pas... ah, c'est pas... On est toujours dans ces temps-là. Donc, on va créer, on va vraiment, avec les actions qu'on peut faire dans le jeu, agrandir le jardin, mm-hmm. faire pousser du bambou. Il y a un petit jardinier qui se déplace, fait pousser du bambou. On déplace le panda, on mange le bambou. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on joue tous sur le même plateau, mais on a chacun des objectifs secrets. Ah. Mettons, moi, je veux avoir une certaine disposition de terrain, ou je veux que le bambou pousse à une certaine hauteur, ou je veux manger certains morceaux de bambou. Mais là, vu que le panda mange du bambou, ça peut briser les plans des autres qui essaient de faire pousser mm-hmm. le bambou. Puis il y a des effets spéciaux qu'on peut mettre sur les cases qui peuvent aussi déranger les autres. Et tu peux vraiment dire aux gens qui ont gâché tes plans comme dans exactement. Tes plans de bambou. Tout à fait. Oui, tes plans c'est ça. Comme moi, ouais, on se comprend. Exact. Mm. Ils ont fait ça juste pour pouvoir faire ce jeu de mots-là. Ben oui, c'est ça. Puis un dernier que j'ai mentionné, c'est King Domino. Alors là, on tombe dans un jeu vraiment plus petit, mais qui peut être bon vraiment pour n'importe qui. C'est un petit jeu de 15 minutes. Ça va être des pièces style domino, mm-hmm. d'où le King Domino, mais aussi, c'est un royaume qu'on essaie de construire, donc Kingdom. Oh, wow, OK. Ouais, wow. C'est un nom assez réussi. Mes jeux de mots viennent de prendre une débarque, puis ce jeu de mots-là vient comme de passer au niveau supérieur. Hein? Wow. Donc, on va ramasser des tuiles qui sont comme des dominos, c'est deux moitiés. Ouais. Y a une partie, ça va être des types de terrain. Fait que ça peut être la mer, ça peut être une forêt, ça peut être une plaine. Okay. Et on va mettre ça autour de notre petit château. Là, on a un petit château en carton qui est notre point de départ. Le but, c'est de regrouper des types de terrains identiques ensemble, parce que sur les cases, des fois, il y a des couronnes, puis ça, c'est des points. Si j'ai une case de forêt avec une couronne et j'ai trois cases de forêt tous ensemble, ça fait 3 points. Mm-hmm. Okay. Si j'avais eu 2 couronnes mais 3 cases, c'est 6 points. Donc, quand on choisit les tuiles, puis il y a un système là, de sélection des tuiles assez intelligent, mais très simple, quand je prends une tuile moins bonne, ben j'ai le meilleur choix le tour suivant. Ah! Si je prends une tuile qui est très payante en points, ben je vais probablement choisir en dernier le tour suivant. Pour que tout le monde soit un peu exact. Égal. Mais des fois, une tuile pas très bonne, mettons, il y a 2 champs de blé avec rien dessus, ça donne pas de points. Par contre, si moi j'ai déjà mes petits moulins avant qui donnent des points, ben là, quand je mets un 2 champs de blé, c'est plein de points supplémentaires. Fait que il y a vraiment de la stratégie. C'est sûr, les tuiles apparaissent de façon aléatoire, mais mm-hmm. c'est vraiment intéressant. Ouais. Puis, ils ont sorti un jeu Queen Domino qui est un petit peu plus complexe. Il n'y a plus de jeu de mots, par contre. Il y a moins de jeux de mots, mais il y a la reine. Oui, bah oui, là, oui. Et les deux peuvent se combiner, faire un très gros jeu ou juste jouer Queen Domino tout seul, c'est possible aussi. Hmm. Mais il y a quelques règles de plus, mais il est quand même assez simple. J'aime ça. Très intéressant aussi. Oui. Donc, ça, c'était pour les jeux de stratégie légère. Ouais. On va passer aux jeux de stratégie moyenne. Donc, ben, évidemment, c'est le entre deux, entre léger et lourd. Sûrement le plus populaire, j'imagine, des trois. Il y a sûrement plus de jeux dans le monde. Non, le plus populaire, c'est probablement la stratégie légère. Ah, okay, ah ouais? Parce que... Les gens aiment ça pour se casser à la tête. C'est vrai. Oui, puis on peut jouer plus avec des enfants ouais. dans cette catégorie-là. Ouais. Fait que ça se vend quand même bien. Quand on va dans la stratégie de jeu moyenne, ben là, on va quand même dans quelqu'un plus gamer. Là. Okay. Pas nécessairement que le jeu est très complexe, comparativement au lot là, que je vais mentionner. Mais ça demande quand même d'être familier avec plusieurs jeux, être habitué à... Plusieurs mécanismes. À apprendre des règles plus étoffées. Mm. Aussi, le temps de jeu va augmenter, évidemment. Ouais. Une heure et demie, deux heures, là, ceux que j'ai choisis, il y a des exceptions, là, ouais. Mais ça va souvent dans les deux heures. Et ça, c'est si t'arrêtes pas pour petite pause. Oui. Évidemment. De temps en temps, ça peut être quand même plus vraiment... longtemps que ça. Puis c'est pas nécessairement parce qu'on pense 20 minutes à notre tour, c'est juste que le jeu, il y a beaucoup de choses à faire. Fait que là, on a toujours des petits moments de réflexion. Donc, c'est ça qui rallonge le temps. Comme on disait, il y a souvent deux ou trois mécanismes là, qui là, ils commencent à s'unir ensemble. Puis aussi, on va commencer à avoir plus de choix. Il y a plus de choses que le joueur peut faire. Mais on n'est pas encore dans le cas de analysis paralysis, terme anglais qui veut dire je sais pas quoi faire. Fait que là, on regarde le plateau et okay, on est bloqué. Ouais. Il ne devrait pas avoir de cas comme ça. Ça peut arriver à l'occasion. Mais ça devrait être évité la plupart du temps. Dans les jeux lourds, certains jeux peuvent vraiment se prêter à ça, ouais. Malheureusement. Là. Puis je pourrais en mentionner là, pour savoir c'est quoi ce cas de paralysie d'analyse. Ouais. Donc, dans les jeux que je vais présenter, je vais commencer avec Seven Wonders. Donc, tout de suite, une exception à la règle de 1h30, 2h. Okay. C'est un jeu qui se joue en une demi-heure parce que tout le monde joue en même temps. Donc, la plupart du temps, quand j'ai joué, c'est une demi-heure. Si on rajoute des extensions, c'est sûr que ça rallonge le jeu. Mais on est quand même dans un temps assez rapide. On va chacun avoir une merveille, donc un petit plateau comme ça, qui est comme notre point de départ. Là, on est comme une civilisation, puis on a notre merveille, puis on construit notre merveille. Mais construire la merveille, c'est pas obligatoire en tant que tel. Comment ça va se jouer? C'est avec des cartes et ça va être ce qu'on appelle un draft. Okay. Si y a des joueurs de Magic à l'antenne, c'est ce qu'on fait, mais avant le jeu des fois. Là. Quand on joue à Magic, là, on va avoir des cartes, on en choisit, on prépare notre paquet, puis après on joue. C'est pas comme un draft dans les sports là, de repêchage. Ouais, c'est ça. Non. Mais ça porte ni quand même une bière en fût, draft. Non plus. Je peux arrêter là. Mais, dans le fond, le principe, c'est que lui, on va faire un draft dans la partie. On va avoir des cartes en main. Donc, on va en choisir une. Mm-hmm. On passe les autres aux joueurs à gauche. Okay. Et là, quand tout le monde a choisi, on joue notre carte. La carte, il faut la payer, elle donne un effet. OK. On la met devant nous, là, devant. On a notre merveille, on la met au-dessus de notre merveille. Okay. Donc, à partir de ce moment-là, par exemple, là, j'ai joué la palissade, bien là, j'ai une force de militaire. OK. OK. Que ça sert la force militaire, à la fin de du paquet de cartes qu'on va avoir distribué, celui que, mettons, moi, j'ai plus de force que mes deux joueurs à côté, parce que ça marche toujours avec les voisins dans le jeu, là. Mm-hmm. Si je veux commercer, c'est juste avec mes voisins. Si je veux, quand je me bats, c'est juste avec mes voisins. Voisins, médias, gauche, droite. Exact. Okay. Si on joue à trois, c'est sûr, ça implique tous les joueurs, mais si on est 4-5, ça joue jusqu'à 7 sans problème, ce jeu-là. Tu peux pas jouer avec quelqu'un en face de toi. Non, ben, c'est que je peux pas l'affecter directement. Je peux pas l'attaquer, puis je peux pas commercer avec lui. Par contre, les cartes, si je sais que ce joueur-là, il y a une carte qu'il voudrait vraiment, ben, je peux la prendre. Ah. Pour pas lui laisser. Mm-hmm. Ça, c'est ce qu'on appelle du hate drafting. Oh! C'est ça. Okay. On choisit pour pas laisser des choses à l'adversaire, mais c'est très important parce que des fois, il y a... cette carte-là, je pourrais faire un point, mais si je laisse cette carte-là, il fait 5 points. Mm-hmm. Là, clairement, il faut que je prenne la carte qui est bonne pour mon adversaire. C'est ça. Ça rajoute une autre couche de stratégie. Exact. Fait que c'est bien... Quand on a notre main de carte, on a plein de choses auxquelles penser, mais ça accélère parce qu'à mesure que les joueurs prennent des cartes, puis on se passe ces cartes-là, ben, il y en a de moins en moins. Ben oui. Donc, on va continuer comme ça. Quand on a joué toutes les cartes de la première époque, bien là, il y a les combats. On va distribuer les cartes de la deuxième époque. On recommence. Et il y a trois époques au total. C'est différents paquets de cartes, ça. Oui, c'est ça. Là, tu vois, ici, j'ai des cartes numérotées 1. Ah, c'est un chiffre 1, ouais. Ça. Ben, oui, il y a des un, cartes 2, il y a des cartes 3. À l'époque 3, il va y avoir des guildes qui sont des cartes spéciales qui donnent plein de points selon ce qu'on a fait. Mais la plupart du temps, c'est selon ce que nos voisins ont fait. Ooh. Par exemple, une carte guild pourrait dire, c'est la guilde des magistrats, si je me trompe pas. Je fais un point pour carte bleue qui a été jouée chez mes voisins. Mais ceux que moi j'ai joué, c'est pas important. Fait que si moi j'ai joué plein de cartes bleues, ça me donne rien. Mais les autres vont vouloir cette carte-là, mm-hmm. Fait que là, faut que je fasse attention à ça. T'as la guilde d'or roi aussi, que tout le monde veut, ouais. Oui, pareil. Donc, je sais pas quoi dire. Il y a rien à dire, tu peux pas rien dire à ça. C'est comme ça qu'il faut réagir. Exactement. Parfait. Donc, ça, c'était Seven Wonders. J'ai un autre jeu ici, Seasons. Oh, Seasons, et ça, encore une fois, un jeu de mots, hein, je pense, parce que ça se passe dans la mer, c'est pas-tu? Ou en tout cas, il y a de l'eau, non. Là. Non, c'est juste parce que ça rapporte aux saisons. Ah, dommage. T'es à l'envers, Mathieu. Ouais. Donc là, comme tu vois, ma boîte est toute en or. Il y a beaucoup de stock là-dedans, oui, par contre. Oui, ben là, c'est oui. Ça. Puis les cartes sont parties dans tous les sens. Ouais. Mais ceux qui est Magic, je reviens encore à Magic, mais comme j'avais mentionné, c'est un des points pivots là, de l'histoire du jeu. Mm-hmm. On va avoir des cartes qui ont différents coûts ici au milieu, mm-hmm. qui sont représentés par différents types d'énergie. Okay. Puis les énergies, c'est les éléments. Mm-hmm. Fait qu'il y a de l'air, le feu, l'eau et la terre. Ben, fait qu'il y a de l'eau. Ha, ha, ha, ha. Oui, il y a de l'eau. Quand ouais. Bon. Oui. Hein? Donc, à mon tour, je vais pouvoir jouer ces cartes-là, mais je vais devoir payer les ressources. Et ces ressources-là, on les obtient avec les dés. À chaque saison du jeu, il y a un petit plateau qui représente les différentes saisons. Et je vois on va rouler des dés différents. Oui. Des dés de couleurs différentes, jaune, ouais. rouge. Fait que là, si je me trompe pas, jaune, c'est l'été. Ça a du sens, hein? Ouais. Ça fait beaucoup de sens. Fait que selon le nombre de joueurs, on va rouler un certain nombre de dés. Et encore là, on pourrait appeler ça du draft. Okay. Parce que chacun notre tour, on va choisir un dé. Un draft, dans le fond, ça veut dire un choix. Là, ouais. Un choix parmi un ensemble. Là. Draft, ça peut être un courant d'air aussi, ce qui fait Like Seasons. Oui. Donc... On va choisir un dé. Sur le dé, il va y avoir différentes choses, mais ils vont être roulés, fait que ça peut changer d'une fois à l'autre. Mm-hmm. Il va y avoir une étoile qui indique mon niveau d'invocation. Fait que quand je veux jouer des cartes, il faut que mon niveau d'invocation soit assez élevé. Okay. Puis il va y avoir des petits symboles d'éléments que je vais pouvoir ramasser. Puis aussi, des fois, un cercle autour des symboles qui veut dire que si je prends ce dé-là, j'ai le droit de cristalliser mes éléments. Cristalliser. Dans le fond, je peux défausser des jetons de feu ou d'eau, peu importe, pour marquer des points. Mais selon les saisons, les points que ça va me donner, c'est différent. Par exemple, en été, il y a beaucoup de feu et de terre. Mm-hmm. La terre, un peu les plantes, si on veut. Là. Ouais. Mm-hmm. Donc, si je cristallise ces éléments-là, ça ne donne pas grand-chose. OK. Par contre, mettons, à l'hiver, il y a pas beaucoup de terre puis il y a peu de feu. Alors, ces éléments-là, si je les cristallise, je vais faire plus de points. Donc, mettons, à l'été, je décide de conserver justement des éléments pour les cristalliser à l'hiver. Ben, c'est comme ça qu'on va faire des points. Mais beaucoup vont jouer avec les cartes qui ont toutes sortes d'effets. On peut activer des cartes pour faire des choses, cristalliser, obtenir des ressources. C'est de tout, là, vraiment de tout. Ça se passe dans l'ordre des saisons. Ça se passe dans l'ordre des saisons et on fait 3 années. Mais le temps va avancer de façon variable. Ça peut arriver qu'on passe juste un tour dans une saison. Ça dépend de ce qui a été roulé sur les dés. Là. Ah, d'accord. Donc, tu cristallises des choses, puis si tu perds, ben, tu décristallises ça. Hein? C'est ça. Ouais, t'es fâché, tu tires la table à l'envers. C'est ça. C'est ça. Le table ouais. flip, là, c'est bien connu. Ah, merci. Ouais, c'était juste pour le jeu de mots. Donc, si je dis ça, j'ai perdu mes feuilles. Non, sont-le. Oui, merci. Il y a tellement. La table est pleine. La table est pleine. Hein, ouais, je l'ai rempli. C'est comme un buffet de jeu. Il y a un autre jeu. Celui-là, c'est quand même très mathématique. OK. Puis, je pensais pas aimer ce genre de jeu-là. Puis, finalement, j'aime ça. Faut vraiment réfléchir, là, c'est mathématique. Ben, c'est. Oui, puis il faut vraiment calculer, là. Okay. Dans notre tête, souvent, là. C'est ça qui peut être un peu difficile. Mm-hmm. Ça s'appelle Megawatt, mais ça, c'est la vieille version que j'ai. Oh, ça, ben, ça a oui. changé pour haute tension. Hydro-Québec, non, c'est vrai. Sérieux, là, c'est pas mal ça. Ça ressemble mais... vraiment beaucoup à ça. J'ai regardé la carte tantôt. Oui. Haute tension, j'avoue que j'aime mieux ce nom-là que Megawatt. Ça fait, ouais, ça fait ben, un peu. Ça respecte ouais. aussi plus le terme anglais qui est Power Grid. Ah. Hey, Trois-Rivières est dessus en passant. Oui, oui, cette version-là, c'est ça, c'est la vieille version, mais il y a un plateau, le plateau, il est deux côtés, il y a un côté France, un côté Québec. Oh, que, wow, quelle pour bonne ça, idée. C'est quand même le fun. C'est vraiment cool. Ouais. Ouais. Donc, c'est beau aussi, c'est dans très le vieillot. Jeu, on va, on a chacun notre entreprise, comme Hydro-Québec, là, vraiment. Ouais. Là. On va acquérir des... Des usines d'énergie, ouais, ouais. Des power plants. Mm-hmm. Comment on dit ça en français? Je dirais pas mal des usines d'énergie, mais ouais, je c'est ouais. ça. Ouais, ça. Énergie. Et ils ont différents types. Donc, il y en a qui sont alimentés au charbon, il mm-hmm. y en a qui sont alimentés au pétrole, il y en a qui sont énergie propre, fait qu'ils sont alimentés avec rien. Et nucléaire, je regarde. Et il y a du nucléaire. Exact. Puis il y a les déchets aussi. Oh, bon, pourquoi pas? Ouais, il y a des déchets. J'en trouve une. J'ai pris les déchets. Ah ouais. J'ai peut-être pas de nucléaire, mais il y en a. Cool. Et puis, tu as des pions après ça aussi. Oui, qui représentent des, les différentes ressources. Des petits okay. morceaux de bois, tout petits. Oui. Tout petits. Mm-hmm. Donc, t'as pas besoin de plus que ça. Non, c'est ça. Comment ça va se jouer, c'est qu'il va avoir des cartes comme ça. Là, je n'ai pris quelques-unes, elles ne sont pas... On commence pas avec ça. Là. Ouais. Mais on va faire des enchères. OK. Et le prix de départ, c'est le numéro inscrit sur la carte. Dans ce cas-ci, le 20 dans le coin de l'usine, qui est quoi, celle-là? À l'eau? Au charbon. Au charbon, okay. Oui. Donc, il y a un joueur qui va commencer l'enchère et parmi les cartes, il va en choisir une mm-hmm. et il va dire, ben moi, je suis prêt à payer 20. Ça va être un peu comme des enchères, comme dans le vrai Monopoly, mm-hmm. là, ce qu'on est supposé faire, mais des fois, on ne fait pas. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui guide ça? Un maître de jeu? Non, on joue chacun notre tour. Okay, bah. Donc, si je me prononce, soit j'augmente l'enchère ou je passe, puis si je passe, je ne participe plus. Okay. Mais malgré que c'est un système des fois pas super stimulant, dans ce jeu-là, ça marche vraiment bien, ce système d'enchère-là, de cette façon. Parce que l'argent, ben, on en a beaucoup. Là, des fois, on a des revenus de 100$. Mm-hmm. Mais là, quand ça part à 20, puis là, on n'a pas juste de ça comme dépenses. On a beaucoup de dépenses. Dans toutes les phases de jeu, on a des dépenses. OK. Donc là, si je... OK, moi, je dis... Mettons, Tania dit 20. Mm-hmm. Toi, tu dis 22. Moi, je dis 23. On continue. Là, rendu à 30, là, ça coûte cher là, parce que là, j'ai pas les ressources qu'il faut. Mm-hmm. Puis j'ai pas construit non plus mes connexions. Hein. Fait que là, okay. faut décider, OK, est-ce que ça vaut okay. vraiment la peine? Tu commences avec un bon montant au départ ou tu commences avec rien? Non, on commence avec un bon okay. montant, mais il part vite. Ouais, hein. Très, très vite. Puis les revenus sont bons aussi, mais on a beaucoup de dépenses. Faut que tu le mettes en paiement égo. C'est ça. T'as pas un conseiller financier avant de commencer à jouer. C'est ça. Donc, on va continuer les enchères comme ça. Et là, éventuellement, on va avoir nos usines devant nous. Ensuite de ça, il y a un petit marché ici dans lequel on va récupérer les ressources. OK. Mais là, comment ça marche, c'est que ici, ça va être rempli. Mais le 1, mettons, moi, j'achète du charbon. Ben, je vais les prendre dans le 1. Ils vont me coûter 1 chaque. Mais une fois que j'en ai pris 3, il n'y en a plus. Les suivantes coûtent 2. Ah. Fait que là, mettons, je vais en acheter encore. Mais on peut pas en acheter à l'infini, là. Mais... On augmente le prix à mesure qu'on en achète. Si un autre joueur, lui aussi, achète du charbon, ben, le prix va continuer d'augmenter. Mm-hmm. Puis à la fin de chaque tour, on va replacer des ressources dans le marché, mais on n'en replace pas beaucoup. Fait que si tout le monde en achète, les prix vont toujours être de plus en plus élevés. Mm-hmm. Puis là, 1, 2, comparativement aux centrales qui vaut 20, ça a l'air de rien, mais il faut acheter du charbon, il faut acheter du pétrole. Ouais. On a plusieurs centrales devant nous. Est-ce qu'il y a des avantages à l'énergie verte? Bien sûr, c'est que ça ne coûte pas de ressources. Ben voilà. Mais souvent, ils vont être moins puissantes que, okay. que les autres. Donc, une fois qu'on va avoir acheté nos ressources, on va construire on va placer des petites maisons dans les mm-hmm. différentes villes. Fait que là, on va mettre Montréal, Repentigny, Trois-Rivières, Québec, etc. Donc, quand je les place, ben, il faut que je paye. Oui. Oui. Il faut faire des connexions. Mais à la fin du tour, chaque maison, chaque ville que j'ai sur le plateau, en combiné avec les ressources que je suis capable de payer puis que mes centrales... produisent, ben, je vais alimenter des villes et ça va me faire des revenus. Mm-hmm. Et c'est comme ça, on répète comme ça. Mais là, notre réseau va grossir de plus en plus et à la partie finit quand quelqu'un se rend à un certain nombre de villes connectées. Ah. Et si ce tour-là, il est capable, c'est celui qui en alimente le plus, mais c'est souvent celui qui se rend à un certain nombre de villes en premier. Mm-hmm. Mais ça demande beaucoup, beaucoup d'argent. Oui. Pas pire. Ouais, c'est pas pire. Non, c'est sûr, c'est vraiment un plus gros jeu. Là. Ouais. Bon, le jeu est assez simple, mais c'est un bon 2 heures. Là. Puis il peut jouer jusqu'à 6, mais je le recommande pas. Ah, essayer, ça m'a un peu là. Ouais. Mettons que 3-4, c'est balancé. Mm-hmm. C'est quand même un jeu qui prend beaucoup puis de place. Puis lui, il est dans les moyennes. Ouais, ben, c'est parce qu'il est pas très compliqué, je trouve. Okay. Une fois c'est sûr, il demande beaucoup de calculs, mais il y a comme pas tant de mécanismes ouais, que ça. Tu sais, je le considérais vraiment pour ça. C'est sûr, le temps, ça va être dans les plus longs, là. Est-ce qu'on continue? Ouais, on continue. Ben oui. Ah oui? J'ai un autre. Il travaille à 10 heures. Fait qu'il faut qu'il parte à 10 ouais. heures. Non, ben là, oui, faut que je parte à 10 heures, mais j'ai encore un peu de temps. Oui, vas-y. Ici, j'ai amené un jeu qui s'appelle Tiny Epic Quest. Okay. Parce que Tiny et Epic, ça se contredit un peu. Oui, hein? Exact, c'est ça le principe. C'est toute une série de jeux. Okay. Il y en a peut-être 6 ou 8. Okay. Il y en a vraiment beaucoup. c'est le seul que moi j'ai. Mais c'est une série qui sort sur Kickstarter à la base. Oh, OK. Donc, on l'a mentionné quelques fois. Fait que là, j'en ai amené un pour vous montrer. Puis, tu sais, Kickstarter, maintenant, c'est plus une question de dire, tu sais, quelqu'un chez eux qui a créé un jeu, puis la qualité est médiocre. Non, la qualité est très bonne. Ouais. C'est une compagnie qui est bien établie. J'ai reçu un autre jeu beaucoup plus gros, 2 autres, cette semaine, puis c'est super beau. Là. Mm-hmm. Donc, dans ce jeu-là, si on connaît... Legend of Zelda, mm-hmm. Mm-hmm. Ben oui. Ça a vraiment le même feel. Ah, OK. Fait que c'est pour ça que j'aime vraiment ça. T'as juste pas la petite musique en arrière-plan. Non, mais tu vas la chanter quand tu joues. Ah, c'est ça, exactement. Donc, on va avoir des tuiles, des cartes de terrain qui vont être disposées sur la table mm-hmm. d'une certaine façon. Et chaque joueur va avoir des petits pions qui vont se déplacer d'une zone à l'autre, aller faire des aventures. On va aller affronter des gobelins pour protéger les terres. On va se rendre devant des obélisques pour ramasser de la magie. Il y a plein de choses qu'on fait. Il y a des donjons aussi dans lesquels on peut s'aventurer. Donc, il va y avoir des cartes qui permettent un déplacement. Si moi, je choisis une carte, ben, tout le monde fait ce même déplacement-là. Okay. Oh, OK. Mettons, moi, je décide, OK, on se déplace par cheval, donc on peut se déplacer le long des routes. ben, tout le monde, à chacun son tour, peut faire un déplacement le long des routes. Mm-hmm. Puis il y a certaines cases où on peut pas être plus qu'un, il y a des cases où on peut être plusieurs, mais on a chacun trois héros, fait qu'on envoie nos héros un peu partout. Mettons, je décide de l'envoyer dans un temple. J'en ai un ici. Donc, le temple, il y a un petit parcours à faire sur lequel il y a des symboles. Dans ce cas-ci, c'est des parchemins. Mm. Pour avancer, c'est que là, dans le jeu, il va y avoir une phase de nuit. Dans la phase de nuit, on va rouler des dés. OK. Puis, il va y avoir un petit côté « push your luck ». On se rappelle, on avait mentionné mm-hmm. ce système-là. Exact. Ouais. Moi, c'est un principe que je trouve vraiment le fun. Et dans ce jeu-là, ben, on est tous dans le même bateau aussi. Ouais, fait c'est que c'est le fun. Donc, le premier joueur du tour va rouler les dés. Sur les dés, il y a différents symboles. Mm-hmm. S'il y a une face de gobelin, ça veut dire que les gobelins attaquent. Ah. Oh. Pour chaque face de gobelin, frappe un joueur. Fait que, mettons, on est nous trois. Puis j'ai deux faces de gobelins, ben moi puis Tania, on est frappé. Fait qu'on va perdre des points de vie. Est-ce qu'on choisit les joueurs soi-même ou... Non, c'est toujours le joueur qui roule en premier, puis les joueurs en suivant. Okay, okay. Si, mettons, il y avait eu quatre gobelins, là, ça serait vraiment malchanceux, ben moi j'aurais pris un coup, Tania un coup, toi Mathieu un coup, puis moi un autre, parce qu'il y en a quatre. Okay. Donc ça fait le tour de la table. Ouais. Exact. Mais sur les dés, il va y avoir aussi des symboles de parchemin qui vont permettre de notre héros d'avancer dans le donjon. Si je me rends au bout du donjon, j'ai terminé. Et on a chacun un petit plateau sur lequel il va y avoir des armes légendaires qu'on peut acquérir. Mettons, l'épée légendaire, il faut que je termine un donjon d'eau et un donjon de feu, mettons. OK. Dans cet ordre-là. Fait que si je l'ai fait, je vais récupérer l'épée. Mais il va y avoir aussi des cartes de quête qui vont donner des objets particuliers. Une bombe, une pelle, okay. un arc, un boomerang. Fait que c'est là c'est qu'on reconnaît. Comme dans Zelda, là. C'est ça, là. C'est là qu'on voit l'influence. Donc, c'est des armes uniques que le premier qui complète le donjon en question va récupérer. Et les armes, comment elles sont faites? C'est des petits pions. J'en ai-tu ici, quelque part? Comme ça, sont vraiment c'est tout petits. Mm-hmm. Mais ces petits pions-là peuvent rentrer dans les petits trous de mes héros. Oh! Fait que quand je récupère l'arme, mettons, je récupère un arc, je dois choisir à quel héros je le donne et ça donne une compétence spéciale à ce héros-là uniquement. Ça fait penser à, c'est quoi, The Game of Life, que les petits pions qui rentrent dans le c'est ça, sur le même principe, exact. Donc, à ce moment-là, bon, une fois que j'ai donné l'arc à un de mes héros, ben là, lui, il y a une compétence qui peut attaquer les gobelins à distance. Donc, le placement devient... Ça devient vraiment un puzzle de savoir comment se placer. Puis quand on se déplace, il y a des gobelins qui peuvent être actifs, qui sont fâchés. Fait que si on passe par là, ça nous coûte de l'énergie. Fait que des fois, on peut pas. Des fois, on est bloqué. C'est vraiment un casse-tête, ce qui fit avec Zelda aussi. Ouais. Et après, le petit côté push your luck de combat, puis là, ah, mais là, mon gobelin, je l'ai pas encore assez frappé, je pourrais rouler, mais là, ça se peut que moi, je meurs, puis si on meurt, ben, notre tour finit immédiatement, puis on n'a rien, fait que c'est vraiment pas bon. Donc, j'aime vraiment ça, c'est vraiment le fun. Tiny Epic Quest. Exact. Cool. Je vais le montrer à la caméra. Ah, oui. Merci, t'es trop fine, Tania. Qu'est-ce que j'allais dire là-dessus? J'allais dire, oui, tu ne devais pas parler de Twister encore dans les jeux de... Non, dans les jeux de stratégie, il y en a moins, là. T'sais... Ça serait plus un jeu de party, non? Ah ouais, c'est ça, parce que je prends le rond vert avec mon bras. Ouais, mais t'as pas le choix, non, c'est sûr. Pas le choix. Ouais, c'est ça, c'est choisir, pas toi que choisis. Tu choisis quel rond. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tu choisis quel rond. Je finis toujours par avoir raison en m'expliquant. Mais le but du jeu, c'est de rester debout, fait que gage demain. le dernier partie, là, je vais faire ça vite. Oui, jeu lourd. Donc, des jeux plus longs. On a beaucoup de choses à tenir en compte. Il peut y avoir soit beaucoup d'actions possibles, beaucoup de choix, ou on a des cartes avec des effets qu'on peut jouer, ça dépend vraiment du jeu. Il y a beaucoup de stratégies, donc on doit planifier à long terme comment qu'on va faire des points, comment qu'on va gagner. Mais il peut y avoir aussi de la tactique, c'est-à-dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est mieux de bloquer lui parce que lui veut faire telle action? Mais là, ça dépend des jeux, là je vais vraiment en général. Et on parle aussi de jeux qui durent 1h30 minimum, souvent 2h et plus. J'ai joué quelques fois à un jeu qui s'appelle Twilight Imperium 4, donc la 4e édition. OK. Et c'est un jeu de 8 heures. 8 heures! Oh là là là là! C'est un gros jeu d'exploration spatiale, de combat, de conquête, technologie, négociation. Tu commences tôt là, dans la journée. Oui, on commence en après-midi puis on finit à 11 heures. Wow. C'est incroyable. C'est un corps de chien de mais travail. Mais c'est comme... Tu te sens à la tête d'un empire galactique. Là. Ah, j'imagine que tu finis par t'intégrer dans le t'as jeu pas le et choix, devenir là. Le personnage. Ouais. Ça, c'est vraiment le fun. Je vais présenter ici Agricola. Mm-hmm. Donc, on est dans un jeu de gestion de ressources. Okay. On est une ferme au 17e siècle, là, je crois, en 1600 quelque chose. Okay. On a chacun notre petite ferme dans laquelle il va avoir des pièces de maison. Donc, on va commencer... Des petits morceaux de carton épais. Oui, beaucoup de petits morceaux de carton. On va commencer avec notre petite maison, ici. Et on va avoir nos petits bonhommes, notre petit fermier et notre petite fermière. Là, moi, j'ai des pièces améliorées, là. J'ai des petits pions que j'ai achetés. C'est-tu des meeples? Ben oui. Parce que t'as parlé de meeples il y a quelques semaines. Oui. Des petits bonhommes en bois. Exact. Ouais. Puis on va voir des animeeples aussi. Oh. Donc, j'ai mes petits bonhommes et il va avoir un plateau central sur lequel je peux aller faire des actions. Mm-hmm. Je peux aller ramasser du bois, je peux aller ramasser de l'argile pour construire ma ferme. Je peux aller ramasser des animaux. Mais là, pour avoir des animaux, il faut que je construise des enclos. Mm-hmm. Fait que faut que je ramasse du bois pour construire des enclos. Je peux agrandir ma maison pour avoir des enfants. Puis comme ça, ben, ils vont travailler eux autres aussi. Ben c'est ouais. ça, ça sert à ça. Mais je vais devoir nourrir à chaque période de jeu. Faut nourrir, faut faire du pain, faut cuisiner les légumes. Tu tueras pas les animaux faut... du jeu, là. Ah ben oui, faut les abattre. Si ça nous donne la nourriture, pourquoi pas. Oui. Parce qu'il faut quand même survivre. Là. C'est ça. Mais on a aussi tout un tas de cartes dans les mains qu'on va pouvoir jouer qui peuvent nous aider. Mettons, moi, je développe l'abreuvoir. Ben là, je peux héberger deux animaux de plus dans chaque pâturage. Ah, okay. Fait que j'ai des compétences comme ça que je peux avoir. Puis il y a aussi des cartes de savoir-faire. Ça va être comme des métiers. Mettons, j'engage un livreur d'argile. Ben à tous les tours, je vais recevoir de l'argile pendant un certain temps. Et là, ça se passe des années, tu disais 1700 pour qu'on n'ait pas toute la technologie de c'est nos ça, ça reste quand même simple. Il n'y a rien de difficile à comprendre. Mm-hmm. Puis les petits animaux, là, regarde ça, c'est la petite vache. Oh. On a un petit cochon. As-tu mal aux pattes? Oh. Non. Ouais, c'est en forme. Merci. Puis on a un petit mouton, puis dans l'extension, il y a aussi des petits chevaux. Ah. Fait qu'on va ramasser ces animaux-là, on développe notre ferme. Le jeu, il nous encourage à tout faire parce que chaque chose qu'on n'a pas, mettons, moi, j'ai pas de vache, ben à la fin de la partie, je perds des points. J'ai pas cultivé de céréales, ben je perds des points. Mmh. Fait qu'on essaie de tout faire, mais on peut pas tout faire, fait que c'est d'être le plus performant. On peut décider de juste faire des céréales, puis tant pis les légumes, on va juste perdre un point. Et encore une fois, t'es au 17e siècle, donc tu peux pas t'inscrire à l'amour et dans le chemin. Non, c'est ça, c'est impossible. Non. Mais de toute façon, ils sont déjà mariés, tu sais. C'est ça, on peut pas avoir passé une ferme sans être marié, là, ça a pas de sens. Non, c'est vrai. Ensemble, pas avec les animaux. Oui. Franchement. Je sais pas. Peut-être aux vaches. Puis un dernier jeu. Un dernier jeu, ok, oui. Un que j'aime vraiment et beaucoup. Et qui a l'air violent, celle-là. Hey boy. Oui, là, on est un petit peu plus violent. Ça s'appelle Blood Rage. Blood Rage. C'est un jeu de conquête, si on veut, là. Okay. Dans le thème viking. Là, moi, les figurines sont peintes. C'est moi qui les ai peintes. Je suis pas un expert, mais je fais mon possible. On dirait qu'ils sont faits en chocolat. Ouais, là, ben là, ceux-là sont pas mal brunes, là. Mais. Mettons, j'en monte une plus grosse. Il y avait vraiment des gros bonhommes aussi, là. C'est des monstres, ça, là. Oui, c'est ça. Okay. Dans le jeu, puis on avait parlé de Seven Wonders, comment qu'il y avait un draft. Ben c'est un draft dans ce jeu-là aussi. On va avoir là, c'est des petites cartes dans ce cas-ci, comme ça. Mm-hmm. Et ces cartes-là vont nous déterminer aussi quel monstre qu'on acquiert. Les cartes, ça va être des cartes de combat, ça va être des cartes de pouvoir, des améliorations pour notre clan. Puis sur le plateau, il va y avoir différentes régions. Fait qu'on est tous en compétition pour aller piller ces régions-là. C'est la fin du monde, c'est le Ragnarok. On détruit tout, puis on devient plus fort pour la gloire des dieux. Donc, il y a aussi des stratégies dans le combat où perdre un combat, ça peut être bien. Okay. Il y a des cartes spéciales de Loki, donc le dieu des tricksters, là, je sais pas. Comme les fourberies, là. Ouais. Donc, quand on joue des cartes comme ça, ben si on perd, on gagne des points ou on vole des choses aux autres joueurs. Donc, il y a vraiment différentes tactiques qu'on peut utiliser. En général, c'est sûr, c'est mieux de gagner, mais on peut faire différentes choses. Tout ça dans le but de gagner le plus de points. Fait que malgré ça, c'est la gloire, là, mais c'est des points. Il n'y a pas de sang à la fin. C'est pas le dernier vivant. Pas vraiment. Mais ce qui est le fun, c'est que quand, mettons, il y a un combat, mes troupes meurent, ils s'en vont au Valhalla. Mais, ce qui est comme un plateau à part, mais au début de l'âge suivant, ils vont revenir à moi. OK, réincarné ou... Ben oui, parce que les Valkyries, dans le thème, c'est ça qu'ils allaient chercher les guerriers morts pour les amener se battre au Ragnarok. Donc, c'est là, ils reviennent en jeu, je peux les recruter à nouveau. Ils reviennent pas sur le plateau, mais je peux les recruter à nouveau. Okay. Donc, ça permet que, quand on perd, bon, c'est pas si grave, je vais pouvoir me reprendre l'époque suivante. Eh ben, Blood Rage, c'est pas moins violent que ça en a l'air, hein, finalement. Ouais. C'est moins violent que ça en a l'air. Ben, c'est sûr, c'est beaucoup des combats, puis la boîte est impressionnante, là, Il voulait, c'est vraiment le fun. Il voulait faire rock metal. Ouais. C'est ça. Blood Rage. Oui. Voilà, donc on a abordé les jeux légers, les jeux moyens, les jeux lourds, familiaux, format club, etc. Hein? Oui. Comme les saucisses. Dans la chronique Jeux à Gogo, on se reprend la semaine prochaine. De quoi on parle la semaine prochaine? La semaine prochaine, là, c'est comme j'ai étalé ça là, sur plusieurs semaines. Ouais. Ça va être vraiment les mécanismes de jeu. Fait que je vais parler plus de les classer par mécanisme, puis avec des exemples, évidemment. Cool. Hey, ça nous donne vraiment hâte, tout ça. La semaine prochaine. Oui. Merci, Mathieu Janvier. Merci à vous. Bonne journée. Bye bye. C'est dommage que tu puisses pas rester avec nous, par contre, parce qu'on va faire une grosse pointe à l'adresse. Ouais. Il faut peut-être travailler dans 15 minutes à peine. Hey, 15 minutes, même pas. On prend une pause, on revient et on goûte à quelque chose dans une grosse pointe. Restez là. Oh, c'est bon ça! C'est excellent! Le soleil qui sort, hein? Sunlight Day, ça nous donne envie de jouer ça. Oui. C'est normal. Bref, le soleil sort et en même temps, ça nous donne envie aussi de sortir le fast-food pour manger un petit peu comme au soleil. Les crèmeries sont ouvertes, hein? Ben oui, parce que, tu sais, il faisait beau, il y a 3 jours. J'ai vu les grosses banderoles ouvertes sur la crèmerie à côté, tu sais, qui sont vraiment toutes déplacées parce que le vent a pogné dedans. Puis, ben ouais. Bref. Hey, il ventait là, de façon incroyable hier soir, c'est quand fou, même. Hein. Donc, c'est une grosse pointe d'adresse. Oui! Oh oui! Une grosse pointe d'adresse. Ah ouais! Une grosse pointe d'adresse. Ah ben, OK. Une grosse pointe d'adresse. Si tu le dis. Une grosse pointe d'adresse. Ça fonctionne pas. Une grosse pointe d'adresse. J'aime bien, hein? C'est une grosse pointe d'adresse à la chronique au bout d'un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit acheté en épicerie, en dépanneur, en pharmacie, en quelque part, de malsain. Mm-hmm. Et aujourd'hui, c'est que toi et moi, Tania. Oui. Pas d'invité. Le retour aux sources. Retour aux sources à la vraie équipe, le noyau central. Le noyau central, Tania, est-ce que ça te dit quelque chose si je parle d'un noyau? Un gros noyau central. À l'intérieur. Un fruit. Une pêche. Non, plus gros comme noyau encore. Plus gros comme noyau encore. On est un noyau plus gros que ça encore. C'est un gros noyau. Un avocat? Noyau. Un avocat. Oh! Un avocat. Est-ce que ça te rappelle quelque chose dans les dernières semaines? Tu t'as dit, t'as fait une parenthèse dans une chronique récente. Oh mon Dieu, les Doritos au guacamole! Les Doritos au guacamole! Wouhouhou! C'est exactement ça. Je suis comme excitée, là. Ben, mais ça! Moi aussi, j'ai vu ça puis j'ai pensé à toi. Je me suis dit, Colin. Hein? Je suis sûre que t'es trouvé là où je les avais vus. Ben, d'après moi, Doritos Frito-Lay, c'est ça? Ça se peut, ouais. C'est comme une compagnie assez répandue, d'après moi. Oui, quand même, ouais. Fait que c'est peut-être pas la même place. Donc, on parle en effet des Doritos guacamole pour une durée limitée. D'ailleurs, il y a un concours avec la NBA là-dessus, oh. Colin. Soyez au cœur de l'action, vous pourriez gagner un voyage VIP pour assister à la cérémonie de remise des trophées de 2018 de la NBA, Tania. Ah, on pourrait gagner ouais. ça. Wow! Ce sont des chips aux tortillas, bonnes jusqu'au 22 mai. Mm-hmm. Et ouais. Sinon, parmi les ingrédients, ça commence par du maïs choisi, ce qui est toujours bon pour clairement. Des croustilles de maïs. Huile végétale, assaisonnement, un paquet d'autres trucs comme ça. Là-dedans, il y a de la crème sûre, de la poudre de tomate, de la poudre d'ail, de l'oignon en poudre. Il y a même du fromage suisse, oh! du cheddar. Hey, je suis excitée, là, ça va vraiment bon. Bon. Parce que là, du guacamole, d'habitude, c'est quoi les ingrédients principaux de ça? Avocat, tomate, oignon, lime, coriandre, parfois. Il y a l'air d'avoir une majorité crème de tout ça. Crème sûre, ouais. Peut-être, pas tout le temps. Ça ressemble à ça? Eux, ils disent que oui. C'est dans les anciens sacs rétro ouais, de Doritos. Les mêmes que les ketchup et les originales. As-tu goûté ketchup? Oh mon! Je les aime tellement, les ketchup. Oh, c'est les meilleurs. Et l'affaire, c'est qu'ils sont jamais disponibles. C'est comme juste disponible pendant des certaines périodes. Pour vrai? Ils les ramènent une fois de temps en temps en édition limitée. J'espère qu'ils vont faire ça avec de guacamole si c'est bon. Si c'est un succès. En tout cas, sur le devant du sac, comme je disais, très rétro, on a les chips qui ont l'air très vertes et jaunes, mais on a aussi l'image d'un avocat. D'une tomate et d'une lime. Mm-hmm. Mm-hmm. Je te donne le sac pour l'ouvrir. Oui. Attention. Hein? Merci beaucoup. On l'a-tu l'affaire? Finalement, c'est nous autres qui croisent les micros. Hein? On cherchait c'était qui croisait les micros l'autre fois. C'est nous mais non, mais en temps normal, nous, on les remet. On les remet à leur place. Micro magique. Oh. Je suis excitée, J'ai hâte de l'odeur. Oh my lord! Oh! Oh, que ça sent bon! Ça sent bien évidemment les Doritos. Oui. Je te dirais qu'on sent pas nécessairement la guac tout de suite. Non, toi, t'es rendu chill, là. T'es proche de la guac, là. Ouais, la guac, puis moi, on s'aime bien. Ouais. Elle me passe le sac, merci beaucoup. J'avoue que ça sent vraiment les Doritos. Ça sent les Doritos au fromage. Au fromage, oui, et pas nature, excuse-moi. L'original, c'est pas ça, c'est celle au nacho cheese. J'ai hâte de voir s'il y a ce côté cheesy-là quand même. Je me le demande, parce qu'en tant que tel, dans les ingrédients, ça parle de fromage suisse et de fromage cheddar, donc probablement. Est-ce que t'es prêt? J'ai quand même pas le goût d'attendre. On a hâte. Hein? OK, go. Oh! Ça goûte vraiment nacho cheese plus, hein? Ça commence par un fond de nacho cheese normal. Ça goûte un peu. Au début, ça goûte crème sure et oignon. Un peu. Puis. Après, il y a comme un petit pimenté. Ben, c'est un mélange, je dirais, entre les Doritos nacho cheese, je trouve. Tu sais, celles qui sont Tostitos avec un extra lime, là. Uh-huh. Tu sais, là, c'est qu'un petit kick de plus, un hint of lime, qui appelle zeste de lime. Elles sont bonnes, celles-là. Elles sont très bonnes, ouais. Puis quand tu fais juste coller ta langue dessus. Tu goûtes l'avocat. T'as l'espèce de crémeux de l'avocat. C'est vrai. Mais c'est extraordinaire. C'est incroyablement bon. Ça me surprend qu'il n'ait pas fait ça avant. Moi non plus. Ouais, je comprends pas. Ouais. Doritos guacamole. Excellent. Excellent. Je pense que ça goûte exactement ce qu'on a pensé que ça allait goûter. Oui. T'sais? Clairement. Par contre. Je pense que j'irai une étape plus loin encore et je les tremperai quand même dans un genre de trempette guacamole, juste pour avoir un petit kick de plus encore. Un double. Tu sais, on a triple chocolat des fois, pourquoi pas de double guacamole? J'avoue. Ouais, guacamole! Ouais, parce que le petit côté tomaté est pas de temps là. Non, j'avoue, je replace pas tellement la tomate, elle est plus en arrière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je remarque pas trop non plus? L'ail est pas tellement présent, j'imagine qu'il vient ajouter un petit quelque chose, mais c'est pas la saveur la plus marquante. Ouais. Sinon, fromage suisse, fromage cheddar, je pense que c'est le classique nacho cheese, là, le mélange de fromages différents, que c'est pas trop grave quel fromage que c'est. On sait que la lime, mais là, j'aime ça. Là. Oui, ben c'est pour ça que je dis que ça ressemble à un mélange nacho cheese et zeste de lime, Tostitos. Pouce en l'air, très loin. Pouce en l'air, vraiment le pouce en l'air. Doritos, guacamole. Excellent. Excellent. Il nous reste pas beaucoup de temps à l'émission, quelques minutes à peine, mais je pense qu'on devrait prendre le temps de parler de quelques petits trucs, parce que plus tôt dans l'émission, je t'ai parlé des Français. Oui. Je t'ai dit que leur sandwich le plus populaire, c'était le jambon fromage. Tu te souviens de ça? Ben oui. On a l'extrait. Tania, les sandwichs au fromage sont vraiment très populaires. Ouais, okay. Ça, c'est l'extrait. Le burger... Ça ressemble à ça. C'est pas le même fond, par contre. Le burger supplante le jambon beurre pour la première fois en France. Ah! Wow! On enregistre pour la première fois en France les ventes de burgers qui dépassent celles du traditionnel sandwich jambon-beurre. On enregistre pour 2017 1460 milliards d'unités vendues en croissance de 9%. Une croissance, dit-on, phénoménale. Des chiffres publiés à l'occasion du Salon Sandwich and Snack Show qui a lieu aujourd'hui même, les 4 et 5 avril, à la porte de, aux portes de Versailles à Paris. Cet engouement s'explique très facilement, nous dit-on, c'est que le burger réunit 4 produits qu'on consomme énormément en France, le pain, la viande, le fromage et la frite. En 2016, le burger et le jambon beurre étaient au coude à coude, mais pour la première fois, en 2017, le premier passe légèrement devant le second, et tout ça est amené par le service à table. Un service qui réalise 70% des ventes. On se demande même si le burger n'est pas en train de remplacer, en France, notre fameux steak frites. Le traditionnel sandwich jambon beurre, lui, perd du terrain. 50,8% des sandwichs vendus contre 65% il y a 10 ans. Mais on se rassure, côté global, que le sandwich conserve une place de choix en France avec 2,4 milliards de ventes en 2017, une croissance de 1,7%. On note aussi la croissance de la restauration rapide gastronomique en France, donc une disparition du fast-food, de la malbouffe et l'arrivée d'une certaine montée en gamme depuis quelques années, du fait maison avec des produits bruts à des prix assez élevés. Même les Américains regardent ce qu'ils sont en train de faire sur cette restauration rapide gastronomique, car ils n'ont chez eux pas autant de diversification dans ce segment de restauration. Intéressant. On va se continuer ça avec quelques petits trucs en rafale, vraiment très très rapide. Pour commencer, Bud Light Orange s'en vient. Oui. Bud Light Lime, on connaît, c'était depuis 2008. Oui. Bud Light Orange arrive en 2018. Donc, surveillez ça, ça s'en vient dans les prochains jours, semaines. On a aussi, ensuite de ça... C'était tout le temps en train de chercher, en train de chercher sur ma page. Nesquik sort les super déjeuners, super breakfast, c'est des boissons, des shakes, un peu comme du lait au chocolat, mais avec 12 grammes de protéines par bouteille. Nesquik super breakfast. On a ensuite les Double Stuff Oreo sont maintenant en format party size. Oh, bye bye. Ouais, ouais. On a Budweiser qui fait maintenant du... comment t'appelles ça? Des marinades premium. Budweiser Brewmasters Premium Marinade. Saveur de poulet buffalo et de steakhouse. Oh, OK. Pas pire quand même, pas pire. Ensuite, on a celui-là, c'était... toujours en train de chercher. C'est lourd, c'est lourd. Caroline qui met trop d'affaires sur la même page. Celui-là m'intéresse peu. Les Hershey's Kisses aux saveurs d'Hawaï, ananas et noix de coco. Ouais, bon. Ça bon. Ensuite, on a Welch's Cookie Bites. Tu connais Welch's pour leur jus, entre autres, de raisin. Tu connais ça peut-être pour... ils ont des... qu'est-ce qu'ils ont? Des petits jujubes, je pense, Welch's. Ouais. Maintenant, ils ont des biscuits avec des bouchées de vrais fruits. Ah, c'est bien. Sugar Cookie Bites avec des vrais fruits et PB&J Cookie Bites, donc beurre d'arachide et confiture. Peanut butter. Peanut butter. Au Canada, Dempster's Bakery, la pâtisserie, boulangerie, avec une édition limitée, bagel, café et crème. Ouh là! Intéressant, hein, voilà. On a fait 10, là, c'était en masse pour aujourd'hui, on n'avait pas tant de temps que ça. Les liens sont sur assemblagerequis.com, note de l'émission numéro 1230. Voilà, on se quitte là-dessus. Demain, évidemment, nos meilleurs moments de la semaine. Tout à fait. Dans l'édition week-end. Sinon, sur nos ondes, plus tard aujourd'hui, je me rappelle qu'il y a la rediffusion du Mathieu Plante Show qui commence à 13h, c'est l'émission d'hier. À 16h, la rediffusion du Prétexte. 18h, en direct avec la sortie de Côte à votre gauche. 19h, Très Blues, Assez Fou sera aussi en direct. Merci, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Merci à nos chroniqueurs d'aujourd'hui, Philippe Fournier avec sa chronique financière et Mathieu Janvier avec ses jeux de table. Et on se retrouve demain, 7h. Hey, bye, bon café tout le monde! Oui.